Un maximum le volume en fait. Voilà. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà, bah voilà, voilà parfait. Très bien. C'est très bien. Vous entendez plus. Non mais en fait, bon, c'est tant que t'es pas de m'envoyer des SMS si jamais il y a des. Voilà. Le quart d'heure. Le quart d'heure. Vous voyez, c'est pour ceux de la MMSH, c'est intéressant. La prochaine fois, vous voulez faire quelque chose en visioconférence, vous voyez, c'est possible. Donc là. On est en visioconférence avec le HESS Paris pour un séminaire donc, dans le cadre des ateliers des ateliers numériques du LabEx Med et donc Elena González Blanco qui est venue donc, présenter les humanités numériques hispaniques et on espère continuer ce cycle en collaboration. Alors moi j'aimais ça, le système existant ne peut pas recevoir de graphes en temps réel. En fait, tu les vois. Carminier, Cléo et Aurélien Mérard. C'est pour le même séminaire. Voilà. Donc je les laisse vous présenter leur séminaire. Voilà, alors. Comme vous venez d'assister à la première connexion par Internet au monde, c'est toujours compliqué, mais ce sont des technologies prometteuses. Nous serons extrêmement brefs pour cette introduction. Merci beaucoup pour cette proposition d'une séance de séminaire délocalisée, relocalisée, réinventée, avec notre séminaire de l'école de haute études en sciences sociales qui s'appelle Séminaire des gens un peu changés. À l'intérieur de l'an dernier, nous avons un cycle, comme Elena l'a mis sur cette diapositive, l'Europe des Digital Humanities, qui nous permet de faire venir des représentants institutionnels ou qui travaillent davantage à titre personnel de plusieurs pays dont habituellement nous n'entendons pas parce qu'un des problèmes de cette relation particulière du numérique entre le global. Parce que là, j'ai encore une fois le message que le système distant ne peut pas recevoir de graphique en temps réel. Les initiatives institutionnelles et l'histoire des différents dans les différents pays ne communiquent pas suffisamment. Si c'est plus simple, on peut mettre le diaporama directement et laisser un diaporama. Nous avons déjà parlé de l'Italie en invitant des gens à faire une sorte de panorama l'an dernier, également de la Suisse, également de l'Allemagne. C'est le tour de l'Espagne, nous en sommes ravis. Elena a la tâche de nous dire ce qui lui semble intéressant. Voilà. Sur les humanités numériques espagnoles, ça peut être effectivement la humanité numérique hispanique de manière plus générale, mais c'est aussi une question dont on pourra parler puisqu'il y a des initiatives beaucoup plus précises comme des choses qui se passent au Mexique et puis beaucoup de choses en Amérique du Sud, mais elle est elle-même partie prenante du développement en Espagne où il y a une association nationale, linguistique mais surtout nationale, des humanités numériques, et cela s'inscrit dans un développement plus général des associations comme celle qui va naître des humanités numériques francophones à Lausanne le 8 juillet prochain. Je dis juste que l'association francophone des humanités numériques, qui devrait s'appeler Humanistica, et c'est aussi ce qui est l'arrière-plan d'un séminaire. Merci de cet accueil, merci à Elena d'avoir accepté. Elle est d'une formation de philologue, professeur de littérature médiévale, dans une université d'UNED qui a des particularités qui sont peut-être évoquées. D'accord, elle est peut-être couper le son de l'extérieur, parce que si quelqu'un est malade. Ce qui est intéressant parce que vous avez là des spécialités très précises qui sont alors, pas la maîtrise de littérature typique, une des voies d'entrée dans les travaux numériques, mais qui l'ont mené à s'investir dans beaucoup de cadres, au-delà du cadre espagnol, dans les institutions européennes et internationales. J'en cite deux, EADH, qui est une association qui officiellement maintenant à une ampleur européenne, et également le groupe que vous ne connaissez peut-être pas qui s'appelle GoDH. Qui s'appelle Go pour Global Outlook et qui vise à accompagner l'internationalisation du mouvement des humanités numériques. Qui fait très bien, on peut dire, organiser des événements et surtout faire parler des Mexicains avec des Japonais, avec des Canadiens, avec des Français. Non, ce qui se passe tous les jours sur le web, mais qui ne se passe pas forcément dans les instruments. Mais c'est un maximum le volume en fait. Voilà, cette présentation s'achève. Elena, voilà, très bien. D'une heure environ, non, mais en nous fait, prendrons le temps d'avoir des SMS et d'avoir y a des une heure de discussion On commence peut-être par des questions sur ce que voilà. Le quart d'heure. Le quart d'heure. Vous voyez, c'est pour ceux de la MMSH, c'est intéressant. La prochaine fois que vous voulez faire quelque chose en visioconférence, vous voyez, c'est possible. Donc là, d'abord remercier on est en visioconférence avec le HES Paris pour m'avoir invité à présenter le panorama espagnol dans le cadre de cette session sur les humanités numériques dans le monde, que je considère une belle idée pour connaître les paysages globaux des ateliers numériques avec SMED. Et donc, je vais d'abord m'excuser, car je vais essayer de présenter ma conférence en français. Je ne suis pas sûre s'il aurait été mieux de le faire en autre langue, je dirais après, comme anglais, mais car nous sommes en France et je suis ravie de profiter de cette occasion pour utiliser mon français en Pérouge. En tout cas, je vous en prie de me demander si aucune chose n'est pas... De Paris West, Nanterre et le HESS pour le même séminaire. Je vais diviser ma conférence en trois parts. Dans la première, je vais parler sur l'histoire et la situation des humanités numériques en Espagne. Comme vous à la première connexion par Internet les données et les premières c'est toujours compliqué, mais ce sont des technologies prometteuses. Après, je vais commenter nous serons extrêmement brefs pour cette introduction. Merci beaucoup pour cette proposition d'une séance de séminaire délocalisée, relocalisée, réinventée, avec notre séminaire de l'école de haute en sciences sociales qui s'appelle Séminaire Digital Humanities, à l'intérieur duquel, depuis l'an dernier, nous avons un cycle comme Elena Lamy, de la conscience académique l'Europe dans laquelle se sont organisées, qui nous permet de faire venir des représentants la création d'une institutionnelle pour les humanités qui travaillent davantage à titre Espagne, personnel de plusieurs pays dont et aussi habituellement dans nous n'entendons pas parler. Parce qu'un des problèmes de cette relation particulière du numérique entre le global et le local, la troisième partie c'est que les projets actuellement développés dans d'autres pays, les initiatives institutionnelles et l'histoire et interdisciplinaire en aspect dans les comme différentes la formation ne communiquent pas et l'évaluation académique. D'où l'idée ou la de ce cycle à l'intérieur du séminaire, nous avons déjà parlé et aussi de la présentation en invitant des gens plus à faire une sorte de panorama la création du l'an LIN, dernier, également de la Suisse et également de l'Allemagne. C'est notre centre de recherche. Nous en sommes ravis. Elena a la tâche de nous dire ce qu'elle beaucoup de données que je présente intéressant sur les humanités numériques espagnoles. Ça peut être effectivement les humanités numériques hispaniques de manière plus générale, mais c'est aussi une question dont on pourra parler puisqu'il y a des initiatives beaucoup plus précises comme des choses qui se passent au Mexique et puis beaucoup de choses en Amérique du Sud, mais elle est elle-même partie prenante du développement en Espagne où il y a une association nationale, linguistique mais surtout nationale des humanités numériques, et cela s'inscrit dans un développement plus général des associations. L'histoire des humanités numériques en Espagne est assez longue. On pourrait dire qu'elle commence dans les derniers quartiers du XXe siècle, avec très importants projets internationaux comme BOOST, c'est Bibliography of All Spanish Texts. Et c'est aussi ce qui est l'arrière-plan d'un projet en collaboration avec les États-Unis. Merci de cet accueil, merci à Elena d'avoir accepté. Elle est de formation philologue, professeure de littérature médiévale, dans une université UNED qui a des particularités qui seront peut-être évoquées. Elle est philologue et médiéviste et étudie en particulier la maîtrise, ce qui est intéressant parce que vous avez là des spécialités très précises qui sont, alors pas la métrique mais la littérature typique, une des voies d'entrée dans les travaux numériques, mais qui l'ont menée à s'investir dans beaucoup de cadres, au-delà du cadre espagnol, dans les institutions européennes et internationales, j'en cite deux, EADH, qui est une association qui est officiellement maintenant à l'ampleur européenne, et également le groupe que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle GoDH, il commence aussi le projet Go Admit, Global Outlook, Archivo Digital de Manuscritos et Textos Espagnols, accompagner l'internationalisation du mouvement des avec chercheurs comme qui concrètement Marcos veut dire Marin, organiser des événements et surtout faire parler des Mexicains avec des Japonais, avec des Canadiens, avec des Français, ce qui se passe tous les jours sur le web, mais qui ne se passe pas forcément après dans les projet, institutions. Les panoramas des chercheurs intéressés à la combinaison s'achève, des disciplines technologiques et surtout dans les cadres de la philologie, donc nous prendrons le temps d'avoir accompagné une par de le développement des bases de données commerciales et des ordinateurs personnels, par des a questions été fondamental mais qui ensuite pour la création tout à fait et développement d'un mosaïque de projets qui se prolonge jusqu'à nos jours. Un de ces projets est la bibliothèque virtuelle Miguel de Cervantes. Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des textes balisés de ces séminaires de m'avoir invité à présenter les ramènes des textes de toutes les périodes de la littérature sur les humanités numériques panaméricaines, que je considère une belle idée pour connaître l'édition facile de Digital Humanities. Transcription et édition digitale, car je vais essayer de présenter ma conférence en français. Comme Miguel de Cervantes ou l'architecte mieux de le faire en autre langue, comme anglais, mais car nous sommes en France et je suis ravie de profiter de cette occasion pour utiliser mon français en premier. C'est assez complet. En tout cas, je vous en prie de me demander si c'est à l'Université d'Alicante. Et de venir utiliser ma conférence en PEPA avec les la première, je vais parler sur l'histoire et la situation de l'humanité numérique en Espagne. Et il vient de donner des premiers projets de recherche pour son projet jusqu'à la situation actuelle. Après, je vais commenter les différentes initiatives de groupe de centres de l'Académie de la langue espagnole qui doivent être mentionnées ici, en humanité numérique, le corpus de textes entreprises dédiés au diachronico de l'espagnol avec humanité numérique comme corpus de l'espagnol actuel. Une compilation de textes analysera l'évolution de la conscience académique dans laquelle se sont organisées plusieurs réunions dont le résultat a été la création de recherches par l'Association pour les humanités numériques en Espagne. En dehors de ce projet, qui ont reçu un important financement et aussi dans le monde hispanophone, il y a eu un important récent développement développé par Mexico ou Argentine. Avec entre plus scientifiques qui ont contribué à avoir une relation avec l'Académie, les problèmes posés par la mise en place d'une un nombre important de projets et en relation avec la littérature et la formation, comme la bibliothèque numérique ou la diffusion de résultats. Et aussi la projet Arte des initiatives plus récentes qui ont eu lieu en Espagne, dans la création de la littérature des laboratoires qui étudie le sujet des œuvres dramatiques et notre centre de recherche dans les humanités numériques à Madrid et à l'UNED. Beaucoup de données que je présente dans les littérature espagnole étaient un dérive d'un effort de recherche en papier qu'on avait fait avec Paul Spence sur l'état des humanités numériques en Espagne et a été commercialisé le résultat à la conférence de Dietz à maintenant, il est accessible online à travers la bibliothèque à Kultsos, un journal allemand qui a dédié un numéro spécial de l'humanité bibliographie d'escritoras españolas. Aussi une grande base de données sur les termes de l'histoire. L'histoire des humanités numériques en Espagne est assez longue. On pourrait dire qu'elle commence dans les derniers quartiers du XXe siècle, dans avec très importants projets internationaux comme BUS, c'est Bibliographie of All Spanish Texts, que je dirige. Un projet en collaboration avec les États-Unis qui explorait l'application des technologies sur la lyrique de Galicia et Portugal et classifier les bibliographies des textes médiévaux et modernes. Où le projet André a commencé dans les années 1970, s'est développé jusqu'à nos jours dans les grands projets linguistiques et la linguistique computationnelle s'est développée aussi collaborative entre l'Université de Berkeley, peut-être, mais l'Université de Complutense de Madrid, un cours comme le IXA en espagnol sur la langue basque, et l'Université de Barcelona pour le texte catalan, la part des catalans, l'Université de Santiago de Compostela pour les textes gallegos. Et aussi des importants projets sur la phonétique. À cette période, il commence aussi le projet ADMIT, Archivo Digital de Manuscritos y Textos. La biblioteconomie a été aussi un des sujets importants avec chercheurs comme Francisco Marcos Marín, en Espagne, les principaux projets se sont développés un des premiers livres sur l'informatique à son centre de recherche Instituto de Informática y Humanidades, Miguel de Unamuno. Après ce projet, le panorama de chercheurs intéressés à la combinaison des disciplines technologiques et la recherche technologique dans le cadre de la philologie, accompagné par le développement des bases de données commercielles et des ordinateurs personnels, ont fait aussi fondamental un très grand effort de digitalisation et développement de classification des projets et ils ont créé les sites PARES, Portal de Archivos Espagnols, un de ces projets est la bibliothèque virtuelle Miguel de Cervantes, des documents un ensemble de textes verbalisés avec la visualisation d'initiatives et la plupart des documents de textes de toutes les périodes de la littérature espagnole et hispano-américaine en différents formats. Édition facsimilé, manuscrit, transcription et édition digito. La représentation espagnole est plus importante depuis l'européenne et sur l'archipreste de Ita, un site qui rassemble des projets et des documents espagnols pour les adjoints de la bibliothèque avec les protocoles, la société de leur temps et la documentation des archives. C'est assez compliqué. Dans le monde de l'art et de son histoire, commencé à l'Université d'Alicante, une initiative importante, est devenu indépendant comme fondation privée avec l'aide économique de la Banque Santander, qu'établissent des connexions entre là, la l'innovation et il vient de recevoir un prix pour son projet, de Link Data, appuyé sur la bibliothèque. Il y a aussi des projets de l'Académie de la langue espagnole qui doivent être mentionnés ici. Et un secteur aussi très important pour l'histoire des textes numériques en Espagne, Corpus Diachronico de l'Espagne, les dernières décennies. Et créa un bon exemple de cette présence digitale et la compilation de textes et documents transcrits et balisés en XML sur lesquels les historiens de la langue linguiste et chercheurs ont basé ces recherches pendant beaucoup de temps. Cette société est liée à la création de ce projet qui ont reçu un important financement institutionnel. Il y a eu un important nombre de petits projets développés. Il y a aussi des projets comme Hispania Epigraphica avec une base de données sur les institutions romanes dans la péninsule numérique espagnole des humanités. Il y a un nombre important de projets en relation avec la littérature et la philologie. Pour finir cette partie, je vais citer comme la bibliothèque une des plus importantes initiatives, ONU Plus, récemment, comme la conversion de la Bibliothèque nationale à un système centré dans la Link Data avec la collaboration de groupes de recherche qui étudie les sujets des œuvres dramatiques de Lope de Vega et récemment a ajouté des éditions digitales avec la Bibliothèque nationale de France. La bibliographie de la littérature espagnole des projets numériques dans les dernières années faisait l'impossible de connaître le panorama qui s'était transformé au monde digital. Pour cela, quelques initiatives nationales sont nées comme l'ATLAT. Maintenant, il est accessible online à travers un projet en collaboration entre l'Université de Granada et le Centre Culture Place de Western Ontario. Un autre exemple de rassembler et visualiser avec système de représentation aussi une grande base de données sur les différents projets en relation avec la littérature espagnol avec des autres types de recherche. Si vous avez curiosité sur ce qui se passe dans certains aspects, comme la métrique, consultez la Sericas de Remetca, vous trouverez des répertoires métriques sur la poésie espagnole du Moyen-Âge que je dirige. Ou MEDV, que c'est. Je vais passer maintenant à la deuxième partie de ma conférence pour parler sur la création et développement de la conscience numérique dans le monde hispanique. Ou le projet André de Poza. Comme je viens de montrer, c'est clair que le numéro de projet avec des ingrédients la langue romaine digitaux et augmenté la notamment pendant les dernières années. Et la linguistique computationnelle. Ce phénomène a commencé à intéresser à l'académie. Et les groupes de recherche et les institutions ont commencé à réfléchir groupes comme sur les changements éprouvés dans la langue basque. Et de sa recherche c'est à partir de 2011 lorsque ces phénomènes s'est commencé à manifester à travers des différents événements. Et aussi la première conférence qui a exploré la relation et la reconnaissance de la parole et la technologie a été la conférence en février 2011. La bibliothéconomie a été aussi un des sujets importants dans les humanités numériques. Qui veut dire humanité dans Espagne, la région. Les principaux projets et a été développé à l'Université de Barcelona, Carlos III, organisé par le groupe à son centre de recherche Instituto de Cultura y Tecnología en el que j'ai déjà parlé. Dirigé par Antonio Rodríguez de la Sierra, une perspective et le groupe de recherche Tecnodoc se célébrait dans la même année technologie en Datcamp à Media Lab Prado. Et aussi un atelier à l'Université Complutense pour réfléchir sur les centres de différents projets de digitalisation avec des bases de données et classification et de fonds et ils ont créé la possibilité de lier archivos espagnols. Cet atelier qui permet de former la recherche dans une réseau de documents sur les humanités numériques espagnoles après la visualisation de les résultats des documents digitalisés codifiés aussi avec différentes classes de métadonnées. Et à Malaga, il y a eu un séminaire sur l'art numérique et encore deux séminaires sur l'édition digitale à Deusto. La représentation espagnole est plus importante, fil d'Europeana et Hispania, sur la TI. INSIT, qui rassemble des projets et des documents espagnols. 2011 est une année très importante pour le développement des humanités numériques en Espagne. Mais c'est 2012, dans le monde de l'art, l'année de dont la discipline devient consacrée. Il y en a aussi quelques initiatives importantes. L'année de Malaga, par exemple, comme la de création de la première société d'humanité numérique et espagnole entre l'art, la technologie et la société internationale, qui s'est inscrite dans le registre officiellement le 20 août. Après la fondation officielle, il y a eu une petite conférence à Elche et un secteur aussi très important pour l'histoire des humanités numériques en Espagne, surtout dans les dernières décennies. Un bon exemple de cette présence digitale est la Sociedad Española de Arqueología Virtual, CEAR, avec Nombreux. Après la fondation officielle, il y a une petite conférence à Elche, à l'Université Miguel Hernández. Ces sociétés est liée à la création des humanités numériques pour réfléchir sur l'étape suivante et aborder les thèmes importants comme la formation, il y a aussi la des situation de l'académie et le financement des projets avec des données sur les inscriptions romanes dans la péninsule ibérique. 2013, c'est l'année de célébration de la première conférence d'humanité numérique en Espagne. Pour finir cette partie, à l'Université de Navarre, une des plus importantes initiatives comme la visibilité de la recherche et la diffusion, comme la conversion de la Bibliothèque nationale à un à système de Linked Data avec la collaboration du groupe de recherche. Il y a eu lieu la première conférence de l'association hispanique HCH 2013 avec le thème Humanité numérique, défis, achèvements et perspectives. L'abondance des la projets numériques a eu un grand succès avec la participation de plus de 100 personnes de différents pays, surtout pour cela, de quelques initiatives nationales sont nées, comme l'Atlas d'humanité numérique. À la fin de l'année, c'est aussi célébré à Granada, un DATCAM sur l'humanité numérique dans les collaboratoires Green, qui veut rassembler et visualiser avec système de représentation géographique. Et aussi, il y a eu une série de séminaires à Salamanca sur l'humanité numérique, des autres plus orientée à la critique scientifique. La relation avec des autres branches, comme les outils d'apprentissage virtuel et des choses intéressantes que vous ne connaissez pas, moi-même, ont été aussi importantes, comme dans un événement organisé par l'Université UNED. Je vais passer maintenant à la deuxième partie de ma conférence pour parler de la création et du développement de la conscience numérique dans le monde comme je viens de montrer, c'est clair que les numéros de projets avec des ingrédients, les phénomènes qui ont lieu en Espagne pendant les trois années d'écrit n'étaient pas isolés dans le monde. Ces phénomènes ont commencé à intéresser à l'académie, ils ont commencé à naître de différentes initiatives, ils ont commencé à réfléchir sur les changements éprouvés dans un de ces pays est Mexico, où l'activité c'est sur les humanités numériques, lorsque ces phénomènes se commencent à manifester en 2012, à travers des différents événements. Quelques professeurs de l'Université la première nationale conférence qui a exploré Mexico, la relation entre les humanités et la technologie a été la conférence en février de la bibliothéconomie, humanités en la red, littérature médiévale, intéressée au monde digital. Qui veut dire humanité en la réseau est devenue grande et a été célébrée à l'Université de Barcelona, organisée par le groupe Biteca, membre de Philovivio, un des projets dans lesquels j'ai déjà participé et vous le voyez. Avec une personne organisée en première rencontre des numériques en espagnol, similaire à l'événement Day of the Eight, et ensemble aussi de blogs un atelier pour aller la situation de groupes et de projets, sur les avec la collaboration de d'autres pays, avec des bases de données, et dans les résultats, vous l'avez montré à l'Ukraine à la conférence des humanités numériques. Cet atelier s'est transformé dans un réseau de recherche sur les humanités numériques, appelé Arachne. La situation, les résultats ne sont pas encore publiés, mais on espère que ça se retourne. Et à Malaga, il y a eu un séminaire sur l'art numérique, très actif, et encore pendant un séminaire sur l'édition digitale à Deutres, a eu lieu un DATCAM sur humanité numérique à l'Université de Buenos Aires, à la UPA, en collaboration avec les CONICET. 2011 fut un séminaire très important pour le développement de l'humanité numérique en Espagne, d'une façon traditionnelle. Mais c'est 2012, sans doute l'année dont la discipline devient consacrée. C'est DATCAM va se mettre en œuvre pour la création de la première association argentine de création de la première numérique, société d'humanité numérique hispanique, Humanidades, qui va célébrer sa première conférence en novembre 2014, qui s'est inscrite dans le registre officiellement. Il y a aussi des différences, c'est la website de la après la fondation officielle. Il y a, aussi des différentes initiatives dans les pays de Latinoamérique et une activité spécialement forte à Brésil, avec le groupe AHD, dans laquelle je viens de parler aujourd'hui et aussi dans d'autres pays, comme Cuba, où il y a eu un DATCAM. Après la fondation officielle, il y a eu une petite conférence à laboratoire de l'Université Miguel Hernández, où Pérou, la deuxième conférence de hashtag sur l'étape suivante et aborder les thèmes importants, comme la formation, la situation de l'académie ou le financement de projets avec la création d'une conscience numérique bien attachée à la nécessité de 2013, c'est l'année de célébration de la les première résultats de la recherche numérique et la réalité d'un système académique traditionnel à l'Université de Navarre qui est centré en termes de la visibilité de la recherche et la diffusion. Quelques années. Pour ces raisons, en juillet, les différentes revues à Coruña, numérique, se sont créées. Il y a eu lieu la première conférence de l'Association sur la Panologie et spécialement au siècle d'or, avec le mais aussi avec Amérique, un important défi, achèvement et perspective. A utilisé la conférence a eu un grand succès avec la participation de plus de 100 personnes de différents pays, surtout de Latinoamérique. La revue Digitum, en dépit de son titre, est plutôt dédiée à la diffusion. À la fin de l'année, c'est aussi célébré à Granada, mais pas exactement orienté au monde digital, laboratoire green, dans la forme. Duquel je parlerai. Et Scriptum Digital, et aussi, il y a eu dans l'area de Catalunya, à Salamanca, à l'humanité numérique, plus historique, plus orientée à la critique dans les langues ivoro-romaines. La relation avec des autres branches comme les outils d'apprentissage virtuel et création du groupe de Salamanca est un des projets plus importants organisé par l'Université UNED et le Centre supérieur d'apprentissage virtuel. Appelé l'innovation numéro de cette revue, je recommande spécialement une journée dédiée à l'intersection qui parle sur l'histoire des humanités numériques en Espagne. C'était vraiment intéressant et complémentaire à ma conférence. Le phénomène qui a eu lieu en Espagne pendant les trois années d'écrit n'était pas isolé dans l'Union hispanique. Si vous avez parallèlement, ils ont commencé à naître des différentes initiatives dans le monde des revues académiques traditionnelles. Il y a un de ces pays, aussi Mexico, des numéros de l'activité sur les humanités numériques. Quelques exemples sont Cuadernos Hispanoamericanos, en 2012, avec son professeur de l'Université nationale autonomique de Mexico, la UNAM, est dédié à la culture et nouvelles technologies. Un réseau. Et les annuaires de l'OPDB, la bibliothèque philosophie et littérature, a dédié un numéro aussi à édition digitale. La réseau est devenue grande grâce à la liste de courriers et à son activité dans le réseau social, la littérature du siècle d'or, mais vous pouvez aussi s'inscrire dans la liste. La revue professionnelle de l'information, en mai, ils ont organisé un premier rencontre d'humanistes numériques en espagnol, similaire à l'événement Day of the Age. Un ensemble de blogs et pour il y a aussi des livres dédiés spécifiquement aux humanités avec numériques la collaboration des autres pays, comme la manographie récemment publiée à Granada, dont les résultats ont été montrés à Lucène à la conférence des humanités numériques, l'analyse de cette Day of the Age en espagnol, et les statistiques. Mais la diffusion des humanités numériques ne s'arrête pas dans les livres ou dans la revue électronique. Il y a un phénomène et une méthode de diffusion. La situation en Argentine est aussi devenue très active pendant l'année dernière. Les notices en juillet 2013 a eu lieu un DATCAMP sur humanité malgré numérique. L'Académie espagnole ne reconnaît pas la publication en blog comme en collaboration avec les l'introduction d'hypothèses. Un séminaire très connu et spécialisé à l'édition de textes médiévaux et de sites d'or vraiment important pour traditionner les changements et maintenir des blogs d'hypothèses sur la possibilité d'obtenir un ISSN. Et c'est DATCAMP qui commence à l'écrème pour la création de la première association argentine de l'humanité numérique, la AA. Ça c'était très important. Qui va célébrer sa première conférence en novembre 2014. Je vais citer quelques blogs intéressants en ce sens. Il y a aussi des différences par Javier Espejo de l'association argentine. Investigar y redactar en la. Il y a aussi des différentes initiatives dans notre pays de Latinoamérique. Et une activité spécialement forte et appréciée avec le groupe AHD, mon propre blog, dans laquelle je viens de parler aujourd'hui et aussi dans d'autres pays, comme Cuba, où il y a eu lieu un DATCAMP aussi l'année dernière, au Colombia, où il s'est créé un laboratoire d'humanité numérique, au Pérou, où la dernière conférence de Hashtag, ma conférence, est orientée à la situation de l'Académie vers ces changements en cours. Un des aspects plus importants est encore la création d'une conscience numérique bien attachée la à la nécessité de publier les résultats de la recherche en Espagne et la réalité d'un système académique traditionnel. Et la plupart des programmes n'y avaient réticents à mélanger les disciplines, spécialement entre sciences et les liens quelques années. La formation des humanités en Espagne a été très difficile jusqu'à ce moment, se sont créés. Et la preuve de cette situation est que les personnes qui travaillent sur la physiologie, spécialement nos études à l'étranger, mais aussi avec un la première tentative de créer un programme de formation a utilisé une des sex annexes pour master publier les articles de la première conférence de l'Association d'humanité numérique espagnole. C'est établi entre 2005 la et 2011. Digitum, en dépit de son titre, mais et c'est fini tout d'abord la diffusion des articles sur les humanités. On ne comprendra jamais. Mais pas exactement orienté au monde digital dans son contenu, mais... Après ce master, il y a eu des initiatives de la structure digitale, comme le master de Catalogues en formation numérique à l'analyse de Carlos III à Madrid, qui est édition digitale dans les langues ivoriennes. Non, non, ça marche. La République Caractère, une des dernières créations du groupe de Salamanca, ça marche bien. Est un des projets plus innovateurs. Le programme de spécialisation sur l'histoire de l'art digital à Malaga, nouvelle forme d'aide, ou un futur master qui va commencer à Barcelone, et un programme de spécialisation de 30 crédits qui va commencer à l'année en novembre en Espagne, avec la méthodologie à ma conférence en sciences visuelles. Il y a aussi des petits cours comme les séminaires d'introduction aux humanités numériques. Organisé deux jours avant la conférence. Dans le monde des revues académiques traditionnelles, il y a aussi des numéros dédiés au thème espagnol qui se peut suivre. Quelques exemples sont Cuadernos Hispanoamericanos, une revue traditionnelle, qui, avec son numéro 761, est dédié à la culture et les nouvelles technologies. Il devient nécessaire d'augmenter la formation de l'OPDB dans les revues du siècle d'or. Les chercheurs sont conscients. Malgré il y a encore un long chemin à parcourir en ce sens, car il n'est pas facile de changer la propre structure universitaire traditionnellement centrée. Il y a aussi des autres problèmes en relation avec l'académie sur lesquels il faut revenir numéro avancé dans les numériques et l'arrière de la bibliothéconomie. D'abord, la forte crise économique que nous souffrons. Il y a des ans, et il y a aussi des livres dédiés spécifiquement aux humanités numériques, comme la monographie récemment jeune de Canada. Aussi, la fermeture d'emploi à l'université fait-elle difficile d'engager de nouveaux chercheurs avec mentalité numérique et aussi online. Aussi, l'argent pour les projets a duré de 3 à 3 années et il y a des problèmes de préservation de la revue électronique. Il y a un phénomène et une méthode de diffusion de contenus vite et très populaire. Il faut aussi changer des modèles solitaires de recherche propres des humanités dans lesquelles la bibliothèque était la place de l'académie espagnole ne reconnaît pas la publication en blanc comme résultat académique. L'introduction d'hypothèses quantitatives en Espagne a été un phénomène le plus grand problème est peut-être la manque de critères pour l'évaluation des ressources numériques et la possibilité d'obtenir un ICC. Un professeur va passer l'évaluation de qualité. Il commence à être plus accepté par les importants sur les publications scientifiques mais les ressources numériques servent un peu. C'est très important pour l'institution. Ça doit changer. Je vais citer quelques blogs intéressants devient aussi un problème qui est mis à la manque d'intégration dans les grandes équipes européennes, font des humanités numériques, un grand dessert encore par les explorer en Espagne. Un weaving de web ou destejiendo la red tu ne par Esteban Romero. Si la réalité académique doit s'améliorer encore beaucoup, il y a de belles initiatives de groupes de chercheurs qui ont créé des centres et des groupes bien importants en Espagne. Comme exemple, je voudrais citer les Media Lab Busal de l'Université de Salamanca avec un programme la de diffusion sur les humanités numériques. Ma conférence est orientée à la situation de l'Académie à Madrid vers ces changements en cours. Les Green UGR, un des aspects plus importants d'intervenir dans la recherche des humanités de numériques, des sciences sociales et la formation des CCB Lab à Barcelone. La réalité académique la en Espagne digitale est très traditionnelle. L'Institut de Culture et Technologie sont à mélanger à l'Université Carlos III à Madrid entre sciences et lettres. Et quelques groupes de recherche comme la formation digitale humaine ou des fondations comme la Fondation Ismael Arramendi. Et la preuve de cette situation est que les personnes qui travaillent à ces sujets se sont formées plutôt à l'étranger. Et aussi la première tentative de créer un programme de formation longue et c'est du point de vue de l'entreprise privée, il y a quelques initiatives importantes pour le monde des études entre 2005 et 2011. Comme exemple, nous avons l'ICEUS, mais il s'est fini dédié plutôt à organiser le programme de formation virtuelle parce que ça marche et aussi collection de matériel didactique. Après ce master, il y a eu des initiatives de préservation des documents, comme le master des bibliothèques et d'information numérique à l'Université Carlos III à Madrid, qui est un projet dédié à l'éducation des musées et des bibliothèques. Non, non, ça marche. Ça fait 5-6 ans déjà. Il y a aussi quelques initiatives importantes qui ont eu lieu. Je vais finir le programme de avec la présentation du centre que nous venons de créer à Madrid, master à commencé à Barcelone. C'est le laboratoire d'innovation dans les humanités. De spécialisation de 30 crédits qui va commencer à l'UNED en novembre, mais pas trop avec la méthodologie, c'est difficile de faire l'enseignance de combinations partout. Il y a aussi des petits cours comme les humanités numériques inaugurés le dernier 30 avril. Organisé 2 jours avant la conférence. C'est un centre d'humanité numérique qui veut suivre les modèles des autres centres européens et américains, mais avec la langue espagnole comme moyen principal et difficile ou par internet. Et la technologie de LinkedIn comme fortress technologique principale. Le centre s'est constitué en collaboration entre. C'est clair que de plus en plus il devient nécessaire d'augmenter la formation entre les facultés d'humanité et l'école supérieure d'informatique. Les chercheurs sont avec la collaboration de malgré la bibliothèque. Il y a encore un lancement de CEMAP et l'UNTECA, qui sont les services par des médias. Il n'est pas facile de changer la propre structure universitaire traditionnellement rigide. Il y a aussi des autres problèmes en relation avec l'Académie sur lesquels il faut réfléchir pour avancer dans les humanités numériques. Les propos de d'abord, ce centre diminuer la forte crise économique entre lettres et sciences il y a deux ans et fomenter la collaboration, l'interdisciplinarité pour et la formation et l'accès ouvert et plutôt pour les jeunes chercheurs. Ça, c'est un peu aussi la fermeture d'emplois à l'université fait-elle difficile d'engager de nouveaux chercheurs avec mentalité numérique. L'IN est structuré en 4 parties. Aussi l'argent pour les projets d'abord, la recherche a une durée de 3 ans, 3 années et il y a des problèmes de préservation de longue durée en ce sens s'il avait soin pour payer les gens et tout. L'information est diffusion. Il faut aussi changer les modèles solidaires de recherche propres dans les humanités, dans lesquels la bibliothèque était la place de recherche. Et le travail la formation et l'enseignement pour passer très important de ces collaboratives dans laquelle nous avons déjà organisé une école d'été. Le plus grand problème est peut-être le manque de critères pour l'évaluation des ressources numériques et bases de données. Et en cours d'hiver, un professeur va passer l'évaluation de qualité en espagnol. C'est que le plus important. Finalement, l'IN offre du conseil et les ressources numériques technologiques aux projets, institutions et chercheurs qui travaillent sur les humanités numériques. Ces difficultés deviennent aussi un problème un cycle d'évolution à la manque d'un projet avec les grandes cours LIN en toutes ses phases, fonds des humanités de l'organisation de l'idée jusqu'à la création de l'expérience digitale. On a pensé mais, comme un groupe de recherche interdisciplinaire. Si la réalité académique doit s'améliorer encore beaucoup, il y a de belles initiatives de groupes de chercheurs qui ont créé des laboratoires et pour augmenter l'impact de la exemple, recherche avec je voudrais citer les Media Lab USAN pour permettre l'interopérabilité et l'accessibilité avec un programme et aussi de faire connaître les humanités les numériques nécessaires pour développer les un Media projet Lab Prado numérique à Madrid et UGR un centre sur et parmi les ressources à la recherche des humanités numériques et de la patience les CCB Lab à Barcelone sur la culture artistique digitale. C'est résumé dans des cultures de visualisation, balisage de textes et d'édition numérique, et quelques groupes de recherche comme le groupe Technodoc ou des fondations comme la fondation Ignace de la Ramée de tout, qui se occupent de digitaliser beaucoup de matériaux. On verra ce que c'est aussi le projet. J'ai déjà mentionné le lien que je veux parler. En conclusion, je voulais dire que je suis du très point de contente vue de l'entreprise privée. Il y a quelques initiatives importantes pour le monde des DH en Espagne. Spécialement dans comme la dernière exemple, nous avons mais il y a encore beaucoup de travail à faire. À organiser les programmes, il faut changer la façon de travailler en humanité. Et aussi, collection de matériaux. Il faut faire une énorme pressure à l'université centrée en digitalisation préservation des documents. Il faut augmenter la formation et nos, une plateforme sémantique à niveau professionnel basée sur des data avec projet dédié à l'éducation. Il faut perdre les peurs et ouvrir les frontières pour former les parts des grandes équipes internationales et centrer les projets. Il y a aussi quelques initiatives importantes qui rôle de l'Espagne et du monde hispanique. Je vais finir ma conférence avec la présentation du centre que nous venons de créer à Madrid, à Lune. C'est le laboratoire d'innovation dans les humanités numériques. Merci beaucoup de m'écouter. Je serais très contente de pouvoir répondre à vos questions, mais avec HD, dans les humanités numériques, inaugurer les dernières 30 avril. Merci beaucoup. C'est un alors, centre d'humanité numérique qui veut suivre les modèles des autres centres Paris, européens et américains, mais avec la langue espagnole peut-être. Comme moyen principal de diffusion. Vous avez vu en tout cas le diaporama normalement. Et la technologie des si vous avez des questions, vous pouvez les communiquer à Pierre, par exemple, principale. Par tout moyen à votre convenance. Le centre s'est constitué en collaboration entre... Merci beaucoup. D'abord, merci d'avoir fait entre ce les que facultés nous d'humanité et l'école supérieure dans d'informatique, dans avec aux la gens collaboration pour présenter de des situations nationales et qui et est très difficile à faire et qu'en général les gens ne font pas, font autre chose, mais c'est très intéressant, à savoir dire vraiment ce qu'il en est d'un historique, générale. D'une situation, à partir de, d'une expérience personnelle. Alors peut-être on verra quel est les l'aspect qui nous intéresse le plus de, et qu'on développera davantage. Les on pourrait très bien aller du côté de la philologie médiévale et de la maîtrise et du projet que tu as évoqué. Et on pourrait très bien s'intéresser au rapport entre l'Espagne et le la reste formation, de l'accès ouverte hispanophone, des formations naturelles. Il y a une vraie orientation politique. L'IN est structurée en quatre parties. Le fonctionnement d'abord, institutionnel la recherche et la place ou culturelle en fait et institutionnelle que vous pouvez des technologies numériques. À la donc c'est un exposé extrêmement et riche. Oui. Parmi les mille l'information questions qu'on peut poser, avec la bloc première de peut-être, de elle ne serait pas adressée à tout, dans elle serait adressée à tout le monde dans le public. Mais aussi des conférences, je crois qu'il y avait des nécessairement séminaires. Un caractère un peu allusif. La formation et l'enseignement, si une partie très importante de cet effort, dans laquelle pour nous situer, avons déjà organisé une école d'été présentielle ouverte. Tu as souvent fait référence aux institutions anglophones et internationales. Et tu présupposais évidemment que les gens pouvaient savoir de quoi il s'agissait. Donc, n'hésitez surtout pas s'il y a des questions. Et finalement, l'IN offre du conseil et des de services technologiques aux projets, institutions et chercheurs qui travaillent sur les humanités numériques. Quelles seraient les premières réactions? Ici, vous pouvez voir un cycle d'évolution d'un projet avec l'aide de l'IN en toutes ses phases, de l'organisation de l'idée jusqu'à la création de ressources digitales. On a pensé alors je commence. Comme alors je commence. Ma première réaction, et je viens de voir en réussissant à me connecter sur Twitter que... Faire un la même, c'est que au moment où dans la diapositive les propos tu du laboratoire et augmenter l'impact centrale, de la recherche avec l'usage des standards de pour permettre l'interopérabilité et l'accessibilité. Or, et aussi si de faire connaître les outils nécessaires pour tête, développer un projet d'humanité par, numérique par l'équipe de Mélissa Terras à Londres, à UCL, épargner en les 2012, avec des on a résultats. Un centre espagnol. Sans perdre si on prend CentNet, qui cherche aussi à faire une cartographie, on n'a pas beaucoup plus, technologiques peuvent mais c'est mis à jour. Si c'est on prend ce qui commence à se développer visualisation, balisage de Daria, textes, par exemple, pour numérique, et donc les gestion centres de savoir et bases de données en général, mais on, aussi on pas beaucoup de présence espagnole on est en train encore, de faire un peu de tout, puisque on a un serveur, on veut faire des websites de, aussi, de ce groupement européen. Que, et donc ma question, en fait, c'est quelle relation entre cette carte ou ces cartes? Comme conclusion, je voulais dire que je suis très contente des progrès récents qui ont eu lieu par l'Espagne et le monde hispanique se sont développés vite, spécialement dans la dernière décennie. Vient mais aussi du il y fait a encore beaucoup de travail à faire. Il faut changer la façon de travailler en humanité. Avec une volonté il faut faire un énorme pressure à l'université pour changer les vieux modèles. Et comment est-ce il que faut augmenter la formation à ces autres tentatives pour avoir un technologique à niveau professionnel. Et en fait, on a essayé de faire un peu et il faut perdre les peurs et ouvrir les frontières pour former partie des grandes équipes internationales. Parce que pour la situation en Espagne, ce n'était pas facile. Mais je pense que le rôle de l'Espagne et du monde hispanique est très important dans la situation mondiale, dans laquelle les discussions sur la langue, la culture et les différences sont mises en avant sur la femme. Donc on a dû. Donc merci beaucoup de m'écouter. Je serais très contente de pouvoir répondre à vos questions. Je pense que je parle bien en connaissance, mais je serais très contente d'amplifier ce que vous en Espagne et comment vous connaissez en plus. Si vous avez vu, il y a beaucoup de projets en philologie. Merci beaucoup. Alors je tiens à dire, puisque nous sommes un auditoire très divers ici et à Paris, nous ne voyons pas, mais vous nous entendez peut-être. Vous avez vu en tout cas le diaporama normalement. Et si vous avez des questions, vous pouvez les communiquer à Pierre, par exemple, par tout moyen à votre convenance. Mais il y a des initiatives si le web comme les Atlas d'humanité numérique, merci beaucoup. Qui est un projet très d'abord, merci d'avoir fait ce que nous demandons dans ce séminaire, dans ce cycle, aux gens que nous invitons pour présenter les situations nationales, et qui est très difficile à faire, et qu'en général, les gens ne font pas, font autre chose, mais de très intéressant, à savoir dire vraiment ce qu'il en est d'un historique, d'une situation, à partir d'une expérience personnelle. Peut-être on verra quel est l'aspect qui vous intéresse le plus ici, et qu'on développera davantage. On pourrait très bien aller du côté de la philologie médiévale et de la métrique et du projet que tu as évoqué. On pourrait très bien s'intéresser au rapport entre l'Espagne et le reste des zones francophones, enfin, la hispanophone, à l'article du blog, des formations sauna finlandais, naturelles. La stratégie du sauna finlandais. Il y a une vraie. Vous êtes perdu, c'est normal. C'est un billet de blog. Non, mais c'est tout à fait normal. C'est un billet de blog qui est culturel et spirituel que vous comprendrez en lisant le blog. Donc c'est un exposé extrêmement riche qui était une des premières évocations parmi les mille questions qu'on peut en lire. La première peut-être, chaque personne serait pas adressée à toi, elle serait adressée à la communauté tout le monde du public. Numérique. Je crois qu'il y avait nécessairement un caractère un peu allusif pratiqué, quels sont les disciplines pas très familiers du paysage international. Et donc, puisque ce genre de recensement peut être les initiatives espagnoles bas, avec quelqu'un qui, tu as souvent fait référence aux institutions anglophones, l'association internationale des centres de données, évidemment que les gens pouvaient savoir de quoi il s'agissait. Donc, n'hésitez surtout pas s'il y a des questions qui sont beaucoup plus fondamentales, qui permettent de comprendre. Ou bien, ça peut être complètement posé la base depuis des chercheurs, depuis l'étudiant qui considère que ce qu'il fait a un rapport avec ce champ, lui-même va donner ces informations pour qu'on ait cette cartographie. Donc les deux sont possibles et complémentaires. Et Marnakos, dans ce billet de blog, faisait une première analyse, et effectivement, simplement en prenant les centaines de réponses qui avaient été données en ligne. Alors je commence. Alors je commence. Ma première réaction, et je viens de voir en réflexion me connecter sur Twitter que c'est qu'on joue avec une vraie question qui était le centre. Comment fait-on une question centrale, puisque au moins on revient aux structures qui permettent deux langues dans la même salle pour parler ensemble. Tu avais une liste d'au moins 900. C'est que si on prend anglais, il faut que beaucoup d'entre nous ont en tête l'infographie faite par l'équipe de Melissa Terras à Londres, à UCL en 2012. On a un centre espagnol. Si on prend CentreNet, qui cherche aussi à faire une cartographie, on n'en a pas beaucoup plus. Mais c'est mis à jour. Si on prend ce qui commence à se développer du côté de Daria, par exemple, pour les formations, et non plus les centres de recherche, parce que si on fait un appel à donner l'information sur l'humanité numérique, encore, si on s'identifie avec ça, on peut donner l'information, mais de ce groupement européen. Et donc ma question, en fait, c'est quelle relation entre cette carte ou ces cartes, parce que ça peut aussi sur la computationnelle, qui les images, travaille et puis dans les autres projets dans de répertoire. On le comprend, mais ils ne sont pas conscients. Parce que la richesse de la pression que tu fais vient aussi du fait qu'avec Ponspens notamment, il y a un vrai panorama qui est établi avec une méthodologie, avec une volonté de voir les projets intéressants, etc. Quel est l'historique de cette sorte de cartographie et comment est-ce que vous reliez à ces autres tentatives pour avoir un paysage digital un peu plus clair? Bon, en fait, on a essayé de faire un peu de consulter les différentes sources et de voir exactement ce qui s'est passé. Je développe la mienne dans deux sens. La première, c'est cette géographie. Tu me disais, c'est l'Université de Grenade, de Madrid, de Malaga. C'est aussi une géographie institutionnelle. Donc, à travers ce que tu disais, que tu vois sans doute une carte se dessiner avec des raisons pour lesquelles il y a plus de choses à Madrid. Donc, ça semble assez clair, mais c'est pas évident. Pourquoi est-ce que ça se développerait plus dans certaines villes et pas d'autres? Quelles sont les prendre l'information disons, qui nous une fois qu'on pondère ces données-là, qu'est-ce que ça donne comme image? Vous connaissez en Espagne, comme Philologie, je ne pense pas. Mais si vous avez vu, il y a beaucoup de projets en philologie, parce que en fait, je pense que le fait que je viens de philologie, c'est évident que je connais la situation et on peut le. Donc, je suis consciente de que ma perspective est toujours un peu partielle, parce que c'est impossible de prendre tout. Mais il y a des initiatives comme les Atlas d'humanité numérique, qui est un projet très intéressant, parce que c'est précisément ça qu'il faut faire pour prendre toutes les initiatives qui sont sur l'Internet maintenant en Espagne. Et il y a aussi les mapas HD de Lita Ortega qui est aussi lié avec ce projet. Et il y a aussi des choses à Barcelone en train de voir ce qui s'est passé à Valladolid et à Extremadura. De la sauna. Mais en fait, c'était Espagne avec des initiatives qui n'étaient pas dans les sources puissantes à l'université, dans les traditionnelles et à la sont connues parce que. Donc, en fait, tu fais référence à l'article du blog qui s'appelle le sauna finlandais, c'est ça? La stratégie du sauna finlandais. Vous êtes perdu, c'est normal. C'est un billet de blog. Non, mais c'est tout à fait normal. C'est un billet de blog qui est un titre spirituel que vous comprendrez en lisant le billet de blog, qui avait été publié par Marin Dacos et qui était une des premières évocations des résultats d'une enquête en ligne. Je pense que chaque personne qui considérait appartenir à la communauté des humanités numériques, dernier aspect de ma question, le déclarait. Dès qu'on parle de géographie, je me demande et l'angle de l'histoire, quelles sont les disciplines, est-ce que ça veut dire qu'il y a des projets pionniers, et donc ce genre de recensement peut intéresser par le numérique de haut en bas avec quelqu'un qui depuis est-ce qu'il y a des grandes figures, par exemple, vous connaissez pas la personne l'association de nom international des centres du numérique. Établit une formatique à des correspondants et reçoit des. Est-ce que ça, c'est le genre des groupes de, déjà constitués, on pourrait dire de grands pionniers, ou bien ça peut être fondateur. Depuis la base, mon parallèle serait simple, c'est avec l'étudiant qu'on avait invité pour lui faire un rapport avec ce champ, qui lui-même va donner ses informations pour qu'on ait cette carte. Que beaucoup de gens reconnaîtraient comme quelqu'un qui a à la fois développé un centre de formation. Et Marin Dacos, dans ce blog, faisait une première analyse, effectivement, et simplement en grande figure, par exemple, les scandaleux qui ont été donnés en ligne, qu'on ne lise pas qu'il voulait. On avait un panorama très différent de ce que nous avons donné actuellement. On n'a pas la conscience des grandes figures comme précurseur des humanités. Ça va beaucoup mieux. Avec une vraie question qui était la mystique. Comment fait-on une fois qu'on est au moins des locuteurs de deux langues dans la même salle pour parler ensemble? La mission de Marin, c'est que si on parle en anglais, il faut qu'on soit accessible à tout le monde. Donc non, ce n'est pas le premier manuel. C'est un problème. Il y avait des choses, mais en fait, comme il n'y a pas une structure et terme d'histoire qui n'était pas très installé dans le vocabulaire de la tradition claire. Il y a un phénomène de travail. En fait, un projet qui est focalisé en philologie à notre part, mais il ne le reconnaît pas. Et ça, c'est un problème, parce que si on fait un appel à donner l'information sur les projets d'humanité numérique, si on s'identifie avec ça, on peut donner l'information, mais il y a des groupes qui travaillent, par exemple, en créativité digitale ou linguistique computationnelle, qui ils travaillent dans l'humanité numérique dans les sens où le comprennent, mais ils ne sont pas conscients. Et ils sont dehors les cartographies parce que, précisément pour ça, et on est en train de faire comme l'espionnage et voir ce qu'il y avait justement, pour le dire. Nous travaillons à certains trains qui sont prochains à ce que vous faites. Avec créer une revue digitale. Pour ça, identifié comme humaniste digital. Et il avait le projet de créer un portal sur la guerre d'indépendance. En fait, c'est la mienne dans deux sens. La première, c'est cette géographie. Tu nous disais, c'est après, le théâtre de Malaga, mais c'est aussi une géographie institutionnelle. Donc, à travers ce que tu disais, toi, tu vois sans doute une carte dessinée avec des raisons pour lesquelles il y a plus de choses à Madrid. Donc, ça semble assez clair, même si c'est pas clair. Pourquoi est-ce que ça se développe plus dans certaines villes et pas d'autres? Quelles sont les. Disons, une fois qu'on pondère ces données-là, qu'est-ce que ça donne comme image de votre propre université? Alors malheureusement, avec sa disparition, je pense que ça dépend plutôt des personnes qui travaillent dans certaines universités. Ce n'est pas une initiative académique, mais c'est une initiative personnelle. D'accord, merci beaucoup. Je vais l'ajouter, il vient de l'écrire et je vais chercher les antisans parce que je ne les connais pas. Oui, c'est un peu comme ça. En fait, je pense qu'il y a aussi un problème de communication entre les propres disciplines humanistiques parce que on est tous ensemble dans le même bâtiment, mais quelquefois on ne connaît pas ce qu'ils font les autres. Et c'est un découvrement qu'on a fait avec la création du laboratoire des humanités numériques, que moi-même je connais des projets très intéressants dans les camps numériques qu'on ne connaissait pas, et c'était du bâtiment. Oui, c'est un problème aussi, mais il faut augmenter les connexions entre nous parce que. Oui, en fait, un problème de cette type de travail est que je suis parfaitement consciente de que c'est partiel. Parce que je connais ce qui arrive à ma conscience, mais c'est bon que les gens participent, c'est intéressant. Et on ajoute des choses pour faire un panorama, des initiatives, des projets particuliers. Et pourquoi est-ce que l'UNED est un cadre particulièrement propice? Pour faire l'importance comme ça. Je pense qu'on est l'université virtuelle et on a ouvert un laboratoire d'humanité numérique. C'est une des premières universités qui a fait la réseau d'Internet, tous les réseaux financiers, parce que en fait, c'est pour nous un moyen de communication avec les étudiants, avec les autres gens qui sont hors de Madrid. Dernier aspect de ma question, dès qu'on parle de géographie, on se demande comment est-ce que nous, c'est très facile de travailler en ce sens. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des projets pionniers que beaucoup de gens intéressés par le numérique, en tout cas, en Espagne, connaissent? Et est-ce qu'il y a des grandes figures? Par exemple, je ne connaissais pas la personne Francisco, mais je n'ai pas eu le temps de noter le nom, qui a publié un livre qui semblait important. Est-ce que ça, c'est le genre de grand pionnier, de père fondateur? Mon parallèle serait simple, c'est avec quelqu'un qu'on avait invité pour chacun sait que la UNED est l'université la plus marxiste Tito Orlan, que beaucoup de gens connaîtraient comme quelqu'un qui a à la fois développé un etc. Est-ce qu'il y a comme ça de grandes figures? C'est un classique. Je crois que justement cette disponibilité qu'avait Bélascor lui a permis justement d'une part de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir, et puis de commencer à mettre en œuvre ce qui était à l'époque tout à fait considérable parce qu'il manquait des salles de gouvernement en Espagne et qu'il manquait de modèles. Il y avait des choses, mais en fait, il n'y a pas une structure ou une histoire connue, c'est plutôt un découvrement de ce qu'il y a, une tradition claire. En fait, c'est très focalisé en philologie d'un autre part, et peut-être il y a des autres œuvres pour l'art qu'on ne connaît pas. On verra. En vrai, je connais la préhistoire d'Antonio de la Serna. Si je peux, du point de vue de l'histoire, attiré. Je suis un peu étonné qu'il ne reste pas un rôle pionnier puis je sais de changer l'université. Parce que je me rappelle que dans les années de corporation, l'historien est devenu psychologue, il y a eu un personnage. Et donc, je suis intrigué par son institut de sa mort. Tout l'a été disparu. Vous avez son projet mentionné sans la relève, il avait déjà la suite de l'UNED, qui était son Marquis Belas. Qui avait à cette époque, c'était déjà avec Carlos Rodriguez, qui dans les colloques que je fréquentais, toujours avec Ray et Doge, et faisait toujours une communication, ce qui était. L'informatique qui avait le projet que j'ai créé au Lanzarote sur la guerre d'indépendance. Et à l'origine, il en fait, c'est Barès qui, par la suite, bien après, c'est-à-dire il est redevenu une bonne dizaine d'années après, a repris ça s'intéresse vraiment. Mais déjà, je dis très tôt, il y a eu de la part de la UNED. Oui, il a fait beaucoup de travail en Espagne. Je ne sais pas exactement quel projet concret ce soit. Et non seulement il y avait l'intérêt. Mais ils ont un website que je vais montrer. Mais ce qui me semble plus intéressant, vous pouvez regarder parce qu'il y a des différents projets plutôt orientés sur l'histoire et la culture digitale, mais plutôt centrés sur l'histoire. Mais ce que je me viens d'Antonio, c'est les théories qui. Merci beaucoup. Je vais l'ajouter, il vient de l'écrire. L'implantation des humanités digitales dans la discipline académique. Et dans la dernière conférence. En fait, je pense qu'il y a aussi un problème de communication entre les propres disciplines humanistiques. Parce qu'on est tous ensemble dans le même bâtiment, mais quelquefois, on ne connaît pas ce qu'il faut les autres. Et c'est un découvrement qu'on a fait avec la création du laboratoire des humanités numériques. Et l'autre, c'est que moi-même, je connais des projets très intéressants dans les camps numériques qu'on ne connaissait pas. Et à la fin, on a parlé c'est un problème aussi, mais il faut augmenter les connexions entre nous parce que Oui, oui, en fait, un problème de ce type de travail est que je suis parfaitement consciente que c'est partiel. Je suis très intéressante aussi des masters d'humanité à ma connaissance, mais c'est bon qu'un des gens participent en Espagne maintenant. Et on ajoute des choses pour faire un panorama et plus. Oui, moi je tiens pour un diplôme. Et pourquoi est-ce que l'UNED est un cadre particulièrement propice? Bon, je pense qu'on est des universités virtuelles et on a beaucoup de ressources. Est-ce que ces pionniers sont liés à... Donc, c'est une des premières universités qui a fait la région internet. Non, il a utilisé, c'est-à-dire qu'il est devenu, il a fini. En fait, c'est pour nous un moyen de communication avec les étudiants, avec les autres gens qui sont de traitement de base de données. Et pour nous, c'est très facile de travailler en ce sens avec toute la technologie. C'est une université qui a... Il avait travaillé. On était très liés, très conscients de l'importance. Il avait commencé à travailler sur une base de données qui m'avait été confiée, quand je n'étais pas l'auteur, sur les parlementaires expérimentés depuis les entrées classiques, depuis Sarouz, nos collègues espagnols. Il faut quand même prendre en compte la disponibilité du corps enseignant de la UNED. Chacun sait que la UNED est l'université la plus marxiste d'Espagne, parce que c'est la seule qui se passe en classe. Bon, je crois que... c'est un classique. Hein, je crois que justement, je pense cette que ça a été une des choses plus impactantes dans les humanités numériques en Espagne. Il a permis de pour et puis de commencer à mettre en œuvre ce qui était à l'époque tout à fait activité plus officielle en Espagne, pour faire un peu plus sérieux la recherche et pour donner la conscience que ça c'est important. Mais des problèmes qui peut-être n'est pas trop connu, mais pas connu, c'est que c'est important. Attirer. Et pour les gens qui ne sont très familiarisés avec la création des webs, je pense que c'était une très bonne idée pour commencer à faire des choses. De corporation, historien, l'acceptation. Et donc je suis impliqué par son institut de culture et technologie. Et aussi il y a des listes en espagnol. Mentionné ça, il faut nous dire ce qu'il y avait dans tout ça, et la quel était son projet, Antonio de la Sierra, c'était quelqu'un, enfin, qui dans les colloques que je fréquentais, venait toujours sur Macintosh, et j'ai toujours une communication qui était l'informatique appliquée à la recherche historique, ou l'enseignement de l'histoire. Carnet en Espagne. À l'origine, il était ingénieur, il est devenu historien, il est redevenu... quelqu'un qui s'intéresse vraiment à l'informatique. Voilà. Oui, oui, il a fait beaucoup de travail en ce sens en Espagne. Je ne sais pas exactement quel projet concret ce sont ceux qui sont dans les instituts, mais ils ont un website que je vais vous montrer. Et vous pouvez regarder parce qu'il y a des différents projets plutôt orientés sur l'histoire et la culture digitale, mais... plutôt centré sur l'histoire. Mais je sais que je viens d'Antonio, c'est les théories qu'il a sur l'implantation des humanités digitales dans la discipline académique. Parce que dans la dernière conférence que j'ai écoutée, ils disent qu'il y a deux façons de faire mettre les humanités numériques dans l'académie. L'une est faire exploser la bombe dedans, comme le cheval de Troie, et l'autre c'est comme l'humidité, faire un peu verser l'eau sur les toits et après à la fin on aura l'humidité dedans. Oui, il a fait vraiment des choses très intéressantes, et le centre de la Carlos III est un centre pionnier en fait. Il travaille à la département de l'humanité, mais dans la bibliothéconomie ils ont fait des choses très intéressantes et aussi des masters d'humanité. Ils sont très actifs en ce sens et en articulation dans la diffusion, les réseaux sociaux, du laboratoire et tout ça. Et on va organiser pour le compte des petits ateliers online avec des différentes ressources, pour faire surtout pour avec elle, on est en train de faire en France, on a les changements d'orientation du chercheur traditionnel vers un profil digital numérique plutôt avec l'utilisation des ressources, les blogs, la technologie en cessant. Et pour ça, on a discuté beaucoup d'options et en train de créer un programme de formation, pas de programmation et tout ça, mais des usages de technologies appliquées à la diffusion et l'usage dans les réseaux du recherche. Depuis l'année dernière. Oui, on est très liés avec eux. C'est aussi, on a hypothèse comme méthode de diffusion de la recherche et de création de blogs et de diffusion dans les centres de l'humanité numérique d'hypothèses et aussi par hypothèses pour les centres. Oui. Oui, je pense que ça a été une des choses quel est le champ que vous couvrez en parlant dans les modes de l'humanité numérique en parce que ça peut être très vaste, effectivement. Il y a permis bon, en fait, on a maintenant on a des différents projets, on a si vous activités si vous voir, et aussi des choses pour faire parce que vous nous donnez les axes de recherche, les parties pour donner la conscience que ça c'est important aussi dans les ma question vient de simplement la vue du site la première fois où en allant jusqu'en bas de la page du site je vois qu'il s'agit aussi d'une unité de service véritablement et on voit un petit casque qui nous dit Hotline 24h sur 24, ce qui 7 jours sur 7 ou quelque chose, ce qui semble très professionnel, encore. Mais fait donc penser à une société prestataire de services d'entretien de matériel numérique. C'est vrai qu'on a la difficulté à lier les deux, en réalité, parce que si on est unité de service, c'est un peu comme les pionniers anglophones qui l'utilisent. Dans ce cas-là, avant, c'était avec une blouse blanche dans des salles gigantesques et des bandes magnétiques. Mais on ne va pas venir vous chercher pour collaborer à des projets, monter des choses qui vont être reconnues comme scientifiques. Il y a toujours cette difficulté à lier les deux. Il y a des listes en espagnol, des discussions sur ce qu'on met dans les blogs et tout ça. Sinon, vous pouvez les regarder. En fait, ce que nous sommes en train de faire maintenant est de lancer en plus les projets qui sont devant l'Académie. Parce que nous avons un projet de littérature, un projet de dessiner dans l'histoire jusqu'au 18e siècle. Un projet pour les textes éducatifs, c'est l'histoire des manuels d'éducation. Voilà. Sur la linguistique, la tête de la linguistique, tout ça. Et ce qu'on est en train de faire maintenant est impulser, aider ces projets à entrer dans les standards utilisés par les humanités numériques. Ça. Et la part de service est vraiment une déclaration d'intention par le futur parce qu'en fait, le problème c'est que les projets sont, pour cette structure, les projets sont projets de groupe individuel, mais il faut avoir aussi une structure formée pour faire avancer les laboratoires comme organisme. Et si on a des informaticiens formés, on veut continuer avec eux. Et une façon de continuer avec ces modèles, et si on offre service à des projets qui viennent de dehors, oui. C'est oui, la façon oui. De continuer avec la même chose, d'élaborer, de les former. Et aussi ils travaillent à la bibliothèque de la UNED comme agir comme une entreprise qui va chercher l'argent, mais comme un groupe scientifique. Et ils sont très actifs en ce sens et ils nous aident beaucoup dans la diffusion, les réseaux sociaux, les laboratoires, et tout ça. Et on va organiser pour les universités, c'est une idée pour continuer des petits ateliers online avec des différents réseaux. Pour l'instant, c'est plus un signe d'ouverture, c'est une direction possible. Si les gens veulent venir avec leur donner leurs idées, les aider à monter le projet de chercheurs traditionnels vers un profil digital. Le numérique. numérique, plutôt avec l'utilisation des ressources, les blogs, la technologie en ce sens. Et pour ça, pour savoir on a discuté beaucoup de questions. Oui, on va créer un programme de formation, pas de programmation et tout ça, mais d'usage de technologie appliquée à la diffusion. Et à la fin, dans les réseaux de différentes personnes, on découvre des différents. Oui, on est très liés avec ça. Et aussi, on a hypothèses comme méthodes de diffusion de la recherche et de création de blogs et de diffusion. Dans les centres d'humanité numérique, des hypothèses et aussi des choses qui nous voulons faire un grand réseau de recherche. Espagnol, finalement, c'est beaucoup du centre. Quel est le champ que vous couvrez en parlant du manuel? Et permettre de faire liaison entre les projets espagnols et les projets internationaux. Bon, en fait, maintenant, on a des différents projets, mais atomisme. Il y a beaucoup de petits projets qui ne sont pas communiqués avec quelqu'un. Elles n'utilisent pas des standards. Les axes de recherche, les parties. On est équipé par des informatiques privées. Et pas se former dans des humanités numériques, la première fois, qui ne connaît pas les standards. En allant jusqu'en bas de la page du site, il est très difficile je vois qu'il s'agit aussi d'une unité de service, notamment, et on voit un petit casque qui nous dit aide hotline 24 sur 24, ou 7 jours sur 7, ou quelque chose, ce qui semble très professionnel, mais fait penser à une société prestataire de services d'entretien de matériel numérique. Et c'est vrai qu'on a la difficulté à lier les deux, en réalité. Parce que les si on a une unité de service, c'est un peu comme les pionniers anglophones qui nous disent, dans ce cas-là, avant c'était avec une bouse blanche dans des salles gigantesques éviter, et des bandes magnétiques, si mais on ne va pas venir vous chercher pour collaborer à des projets, monter des choses qui vont être reconnues comme scientifiques. Il y a toujours cette difficulté à lier les deux. Ce que Philippe fait penser à une question qui part comme une question anecdotique. Sinon, vous pouvez la réappeler. En fait, ce que nous sommes en train de faire maintenant et de lancer et en plus les projets qui sont dedans. Là, on parle de quelqu'un qui travaille. Parce que nous avons un des centres développés à King's College à Londres, un centre de mathématiques qui est aussi un centre qui a eu le premier master, un doctorat de mathématiques. Et c'est quelqu'un qui, par ailleurs, est hispanisant, un projet pour les textes éducatifs, cette collaboration, quel a été son rôle, s'il a aidé à développer des choses. Mais ça pose la question de la synchronie générale du développement en Europe, évidemment, et dans le monde. Et du fait que des initiatives comme GoDH, on n'a absolument pas parlé, mais qui est, on a mentionné tout à l'heure, les standards utilisés par qu'est-ce, les humanités qu'est-ce que ça a aidé à ce que et la part des services, est-ce que personnellement, c'est une déclaration d'intention par le futur, parce qu'en fait, le problème, c'est que mélange de différents projets, pour cette avec le projet, c'est un projet de passé individuel, mais il faut avoir aussi une structure formée pour faire avancer les laboratoires comme organisme. A étudié à l'Université de Navarra. On a des informaticiens formés et on veut continuer avec était très intéressé pour ce qui se passe chez nous et avec collaborer ces modèles. Si on offre un service à des projets en place qui viennent de et on a commencé à parler, on a la façon de continuer, ça a été marché très bien, on a fait d'élaborer, de les fermer. Et aussi, moi, je suis entrée après à EDH, agir comme une entreprise qui va chercher l'argent, mais comme un groupe scientifique qui va aider l'Espagne un peu dans les choses qui étaient faites dehors, parce que devenir riche, on avait fait de maintenir notre chemin, ce qui s'est travaillé. Dans le sens scientifique de l'université. Avec le groupe de GoDH, comme centre. Pour l'instant, c'est plus un signe d'ouverture, c'est une direction possible. Et si des gens veulent venir avec nous, leur donner leurs idées, les aider à monter le projet véritablement. Oui, on est complètement ouverte à la collaboration et c'est une chose qu'on a dit de l'initiative. On est ouverte à quelque type d'intéressante. Offre pour aider les sessions, pour organiser des conférences, pour savoir quels sont les topics qui intéressent un budget à faire ces. Oui, on va continuer avec cette aperture parce qu'en fait, un des problèmes que nous avions au début est qu'on ne sait pas exactement ce que les gens veulent. Et à la fin, quand on parle avec des différentes personnes, on découvre des différents profils, activités, projets qui Donc, en Espagne, très ouvert à ce sens et on est en train d'établir des réseaux de collaboration avec nouveaux groupes parce que c'est une des choses que nous voulons faire et faire un grand réseau de recherche. Espagne, principalement et permettre de faire liaison entre les projets espagnols et les projets internationaux parce que un problème en Espagne c'est les atomes. Il y a beaucoup de petits projets qui ont été formiqués avec quelqu'un. Ils n'utilisent pas des standards et ne sont pas parce qu'ils ont été faits par des informatiques privés et pas formés dans les humanités numériques qui ne connaissent pas les standards et il est très difficile de faire l'interopérabilité entre ces projets. C'est ce que je vous ai montré à la fin. C'était un projet que vous voulez ajuster avec les métadonnées Tabling Code et mettre ensemble des différentes bases de données. Mais le problème est que les bases de données qui sont montrées sont codifiées dans différents systèmes. Et c'est un problème parce que les projets qui sont plus vieux en Espagne n'ont pas suivi aucun standard. Et qui en fait sont des ce que nous voulons éviter, c'est ça. Justement, s'il y a un standard qui s'appelle TI ou il y a un Tabling Code, c'est mieux de commencer utilisant ça et après pour permettre l'interopérabilité ou sur la manière dont les humanités numériques contribuent à la redéfinition comme une question anecdotique, mais qui à mon avis est intéressante pour le moment. Développement des humanités numériques, c'est la relation avec Paul Spence, par exemple. Humanity, parce que là, on parle de quelqu'un qui travaille dans un des centres les plus développés, qui est à King's College à Londres, en France, un centre d'humanité numérique, qui est aussi un centre où il y a eu des masters, il y a un doctorat sciences humaines et sciences sociales. Et c'est quelqu'un qui, par ailleurs, est hispanisant et aussi philologue. Alors, je ne sais pas, puisque tu mentionnais cette collaboration, quel a été son rôle, s'il a aidé beaucoup à développer des choses. Mais ça pose la question des, je dirais, de la synchronie générale des développements en Europe, évidemment, exemple, dans le monde, du CNRS, et du fait que des initiatives plus récentes comme GoDH, on n'a pas absolument pas parlé, mais qui est, qu'on a mentionné tout à l'heure, peuvent avoir. Est-ce que ça a aidé à ce que le réseau espagnol se structure ? Est-ce que personnellement, tu l'as rencontré complètement par intégré, mais en tes cas, activités plus disciplinaires, alors, si coup, je puis dire. Première enfin, question. Bon, en fait, c'est un mélange de différentes choses. Parce que la pratique, avec la mobilisation des technologies informatiques puis numériques, quand on a par exemple, eu cette réunion à Elche sur la résonance et résonne avec ceux qui se pratiquent dans les sciences humaines, dans différentes disciplines des sciences humaines. Lui a étudié à l'Université de Navarra. Par exemple, est-ce que ça se voit au niveau de l'association nationale qui est en train de. Donc, c'était lui qui était très intéressé pour ce qui s'est passé chez nous et voulait collaborer et voir les noms et très secrétaire en place. Et on a commencé à parler et la situation en Espagne marche très bien, pareil à la situation en France, et la situation dans le monde. Moi, je suis entrée après en parce que nous avons aussi dans les physiques, dans les monde, dans les énergies européennes, structurées comme centre de sciences humaines, qui était important, c'est la même situation qui est ici. Et quand on parle d'humanité numérique, normalement, on avait fait le chemin sans regarder dehors ce qui s'est passé. Le problème est plutôt les groupes qui s'identifient ou pas avec les noms. C'est le propre groupe qui doit aller dire et moi je suis ça ou pas. Je suis allée comme volontaire, par exemple, le centre de Granada. Et a fait une. Et a changé son nom et a dit laboratoire de recherche en sciences humaines et a ajouté laboratoire numérique de recherche en Espagne, a ajouté les deux choses. Donc, quelquefois, on pense que dans l'humanité numérique, tout en plus, mais quelquefois, on est sociaux aussi. Et aussi, par exemple, chez nous, à l'Inde, et les sciences sociaux sont incluses parce que un des premiers projets qui s'est intéressé pour ce que nous étions en train de faire, c'était les manuels d'éducation. C'est aussi dans votre laboratoire. En éducation, on a besoin de ça. Ça dépend du ministère. Donc en Espagne, en fait, les données sont réellement en sciences sociaux plutôt qu'humanistes. Mais en fait, je pense que les gens acceptent que c'était un homme très simple et ils peuvent être aussi. Il y a l'option aussi de passer directement. Des interactions entre sciences sociales et sciences humaines qui se créent à l'occasion de rencontres en humanité numérique. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes qui se passent? Il y a des métadonnées structurées. Oui, je pense que ce qui est le plus intéressant est que les gens rencontrent des points de contact qu'ils ne connaissaient pas. Parce qu'en fait, le problème de la d'exconnexion en Espagne est très important entre nous-mêmes dans les humanités, mais aussi avec les autres disciplines qui ne sont pas sciences, avec l'éducation, avec la sociologie, avec la politique. On n'a pas connecté et cette conférence, par exemple, d'humanité numérique, c'est une occasion excellente. Pour changer des opinions et pour voir qu'on a les mêmes problèmes, malgré qu'on est dans différents arrières. Mais des questions aussi, avec l'association, par exemple, le problème, c'est qu'elle s'est créée par philologues. Et la plupart des gens sont de la philologie parce que, en fait, l'information va du même département, de faculté et tout ça. Et maintenant, on est en train de faire des choses plus grandes et aussi d'intégrer plus d'informaticiens dans ce monde parce que l'humanité numérique ne peut être juste humaniste. Par exemple, on est en train d'atteindre les frontières et mettre des gens de diverses disciplines. Mais le cas de l'association est que dans la première conférence, la plupart des gens étaient. Sciences humaines et sciences sociales, d'accord, eu des connexions. L'autre facette de ta question, c'était le nom, véritablement. Par exemple, en histoire, et c'est aussi un aspect historique. D'abord, l'aspect digital, est-ce que c'est le mot normal pour parler aussi bien du téléphone numérique, de la télévision numérique, et puis des transformations sociales et technologiques à la fois. Oui, donc est-ce que le nom choque ou pas déjà? Non, en fait, les mots que nous utilisons, c'est digital. La télévision digitale, c'était quand on a changé on avait déjà les noms digitales dans notre vocabulaire. Mais une des choses qui a changé peut-être, c'est il y a 4-5 années, on parlait des nouvelles technologies. La pratique, la mobilisation des technologies. Comme nouvelles technologies, nouvelles technologies appliquées. Et il y a beaucoup de monde qui parle encore des nouvelles technologies, OTIC, technologies d'information et communication. Ce sont des mots qui apparaissent fréquemment. Avec les humanités numériques, mais ils sont plutôt orientés à l'enseignement. En fait, parce que humanité numérique est un peu plus orienté à la recherche, à faire des autres choses moins vinculées peut-être et à la situation en Espagne, je pense que c'est plus pareil la situation en France et la situation dans le monde. Et avant cette expression-là, qu'est-ce qu'il y avait avant cette expression, il y avait toutes sortes de combinaisons avec l'informatique, évidemment. Et structurées comme centre de sciences humaines. Est-ce que tu as conscience de ce qui pouvait être... C'est la même situation par exemple, quand les gens savaient qu'il existait quelque chose comme humanities computing, les philologues qui pouvaient déjà encoder les textes, comment est-ce qu'ils en parlaient en espagnol? Le problème est plutôt des groupes qui s'identifient ou pas avec linguistique informatique. On n'avait pas de linguistique computationnelle, mais c'était plus... vinculé avec la linguistique de Granada. Il n'y a pas d'informatique littéraire, par exemple. Et a fait une... Non. A changé son nom. On avait une mission comme laboratoire de recherche en sciences humaines et sociales. La technologie, et la technologie et humanitaires, ajouter les deux choses. Mais on n'avait pas de... Comme les Italiens, on pense que dans l'humanité numérique, tout en plus, mais quelquefois, on mise et sociaux. Ça s'appelait toujours des nouvelles technologies. Aussi, par exemple, chez nous, à Lille, c'est les sciences sociales sont inclus, parce que un des premiers projets qui s'est intéressé, c'est plutôt un bon développement international. C'était le manuel d'éducation. On n'a pas d'étiquette comme en éducation, on a besoin de ça, on veut être numérique. Et de manière générale, et pour l'association, personne n'a suggéré qu'on garde le terme anglais. Sciences sociaux, c'est normal de faire un calque. Mais en fait, je pense que les gens de la société, c'était un nom très simple. Normalement, on traduit tout. On doublait. C'est une habitude espagnole, on doublait les films, on fait tout comme ça. Qui se crée à l'occasion de... C'est plus de rencontre espagnol, en humanité. Change l'ordre. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes qui se passent ou pas particulièrement? Oui, je pense que c'est que c'est que les Espagnols intéressant et que les gens rencontrent des points de contact qu'ils ne connaissaient pas. Parce qu'en fait, le problème de la d'exconnexion en Espagne est très important entre nous-mêmes dans les humanités, mais aussi avec les sciences. Avec l'éducation, avec la sociologie, avec la politique, on n'a pas connecté et cette conférence sur le vocabulaire va passer l'excellence. Non. Pour changer les opinions et pour voir qu'on si a les mêmes problèmes malgré qu'on est dans différents arrières. Mais aussi avec l'association, par exemple, le problème c'est que elle s'est créée par philologue. Et la plupart des gens sont de la philologie parce que en fait l'information va du même département, de faculté et tout ça. Et maintenant, on est en train de faire les choses plus grandes, aussi d'entrer plus informaticiens dans ce monde, parce que l'humanité numérique ne peut être juste humaniste. Et on est en train d'atteindre les frontières avec des gens de diverses disciplines. Mais le cas de l'association est que dans la première conférence, la plupart des gens étaient philologiques pour ça. D'accord. L'autre facette de ta question, c'était le nom, véritablement. Ouais. Et c'est aussi un aspect historique. D'abord, l'aspect digital, est-ce que c'est le mot normal pour parler aussi bien du téléphone numérique, de la télévision numérique, des transformations sociales et technologiques à la fois? Oui. Donc, est-ce que le nom choque ou pas déjà? Non, en fait, les mots que nous utilisons, c'est digital. Oui, la télévision digitale, c'était quand on a changé les noms, on avait déjà les noms digitales dans notre vocabulaire. Mais une des choses qui a changé peut-être, c'est il y a 4 ou 5 années, on parlait de nouvelles technologies. Ça, c'était comme nouvelles technologies appliquées. Et il y a beaucoup de monde qui parle encore de nouvelles technologies. Technologies d'information et communication. Ce sont des mots qui apparaissent fréquemment avec les humanités numériques, mais ils sont plutôt orientés à l'enseignement. Parce que l'humanité numérique est un peu plus orientée à la recherche, à faire des autres choses moins vinculées peut-être à l'enseignement, l'éthique et utiliser l'ordinateur dans la classe. Pas, moi j'ai juste l'impression qu'en Espagne, avant cette expression-là, il y a beaucoup de choses du côté de la presse. Avant cette expression, il y avait toutes sortes de combinaisons avec informatique, évidemment. Mais est-ce que tu as conscience de ce qui pouvait être... par exemple, quand les gens savaient qu'il existait quelque chose comme Humanities Computing, ou les philologues qui pouvaient déjà encoder les textes, comment est-ce qu'ils en parlaient en espagnol? La grande bibliothèque, c'est la bibliothèque municipale. On a parlé de linguistique informatique, on n'avait pas de linguistique computationnelle, mais c'était plus vinculé avec la linguistique. Il n'y a pas d'informatique littéraire, par exemple. Non, on n'avait pas de... Non. On avait des mentions comme l'ordinateur, la classe, des choses comme ça, la technologie et humanidades, mais on n'avait pas de, comme les Italiens ou les Français, un syntagme. Pour dire ça, non. Ça s'appelait toujours des nouvelles technologies. Ouais. Ce qui est souvent, si ça se développe après et qu'on prend plus facilement pour diverses raisons une étiquette, ça favorise plutôt un bon développement international. C'est intéressant. Non, on n'a pas une étiquette comme l'Italien, comme l'humanistique informatique, ça n'existait pas en Espagne. Et de manière générale, et pour l'association, personne n'a suggéré qu'on garde le terme anglais sans se poser de la question. C'est normal de faire un calque. De numéros indiqués. Des humanités ou ouais. Non, en fait, normalement, on traduit tout. On doublait. C'est une habitude espagnole, on doublait les films, on fait tout comme ça. C'est plus espagnol, je change l'ordre, acheter ou pas. En fait, parce que les Espagnols ont quelques problèmes avec l'anglais, quelquefois à l'académie. Ça, c'est peut-être un des problèmes pour lesquels on n'est pas dans les grandes groupes de la part de l'humanité numérique. Ah oui, on revient sur avec la France, évidemment. Et puis, du coup, les collections communautaires, c'est-à-dire qu'on apprend à compléter la collection qui est à l'intérieur. Oui, du coup, je continue un peu dans mes questions. Je crois peut-être que vous aviez des remarques sur le cancer, l'humanité numérique. Non, pour la presse ancienne, en fait. Si vous l'utilisiez dans des journaux, la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque digitale, vous avez. Oui, je ne sais pas si vous en parlez. Il n'y a pas eu le fait de faire la recherche, de collaborer avec les autres bibliothèques pour compléter les collections. Quels sont les projets que se donne l'association nationale? Est-ce qu'elle pourrait, par exemple, avoir ce genre de rôle? Dire aux grandes institutions, tout le monde sait que l'interopérabilité des politiques de numérisation sont problématiques. Est-ce que nous pouvons vous aider? Je crois que les choses ont quand même considérablement évolué. Je me souviens d'un temps En fait, en Espagne, même, c'est énorme. J'ai dû me battre, j'avais de l'argent du CNRS. J'avais donné un chèque à la bibliothèque municipale. Ça a démarré, ceci dit, ça a démarré quand même. Ils ont confirmé toute la collection du journal Les Sols. Ils avaient commencé, ils faisaient très lentement. Au bout de quelques mois, on s'est aperçu que ça avait déjà été fait aux archives nationales. Donc on leur a dit, rendez-nous le chèque et puis nous, on va acheter là-bas. Vous faites-le, c'est pareil, ça va être pour les moins chers. Ça a été des négociations, il a fallu quand le date de l'État, justement, vous voyez, depuis, c'est quand même plus facile. Ces programmes, puisqu'on a à la fois une bibliothèque nationale qui est une partie de la bibliothèque nationale qui s'est débloquée avec les conditions d'accès, considérables, mais qui s'est développée la partie journaux, presse, de la bibliothèque de Calca. Et à côté de cela, il y a une gigantesque bibliothèque virtuelle. Il est vrai que c'est quand même ça historique, qui elle est sous l'égide du gouvernement. C'est plus facile qu'avant. Moi, je suis nationale de la génération. En plus de toutes les entreprises régionales, voire locales, municipales, etc., etc. Ça, je crois que c'est quelque chose de confirmé. Et ensuite, on a les confirmés, on tirait sur papier. C'est nettement accéléré. Là, je plains, la boîte d'archives avec ces journaux, c'est parfois un peu incohérent. C'est-à-dire qu'on prend, c'est très fort, je voulais jeter même les étudiants, on voit même plus grand chose. Même lorsqu'on parle de numérisation, il est évident que le sens même du mot change au fur et à mesure qu'on voit ce qu'il faudrait faire. J'ai juste l'impression qu'en Espagne, il y a beaucoup de choses. En mode image, des collections en mode texte, des collections avec des métadonnées qui permettent de les connecter, c'est autre chose. Je pense qu'il y a encore des problèmes parce que oui, il y a des standards, il y a des normes et tout ça, mais il y a beaucoup de gens qui ne les connaissent pas. Et il y a beaucoup de chercheurs en humanité qui commencent un projet numérique parce que qui passe par la porte et qui ne connaît pas les standards. Et créer une base de données nouvelle qui ne servait à rien parce qu'elle n'est pas interopérable. Et ça est un problème qu'on continue à avoir. Et elle a fait effectivement des efforts. C'est plutôt un effort. Il faut créer un peu de conscience en ce sens parce que j'ai vu ça tous les jours. Et une des idées que nous avions au laboratoire, c'est précisément éviter ça. Si quelqu'un l'a fait, pourquoi tu vas commencer à des zéros et faire le nouveau? Et c'est un problème. Et est-ce que justement vous allez faire des guides de bonnes pratiques ou des choses qui vont peut-être aider justement les professionnels de la numérisation parce que ce que la baisse du prix, même pour l'ouvert sur les collections, c'est intéressant. Oui, une des choses qu'on veut faire, c'est comme une base de, comme la partie questions and answers sur Teacher Humanities, qui est en anglais, faire un chose pareil en espagnol sur les demandes qu'on reçoit dans la même website, et aussi des petites guides en espagnol sur les standards, par exemple sur la DEI, sur les métadonnées, sur... On va mettre tout le matériel que nous avons dans la page pour les gens qui sont intéressés de ce qu'il a l'information. On a une partie qui s'appelle Herramientas, qui est un peu un mélange de tout, mais il va être un portail de référence en espagnol pour trouver les choses qu'ils ont trouvées et des arrières. La paradoxe. J'insère la note de passe page orale. DHQ&A, question and answers, c'est l'URL même, qui est simplement le droit de poser une question, quelle qu'elle soit, et où les réponses viennent de la communauté, avec une organisation minimale. C'est lié à des institutions, mais le principe est que chacun donne la réponse qu'il estime devoir donner, sous forme d'une sorte de outil, un site de collaboration. En tapant DHQ&A, quels sont les projets que se donne l'association nationale? Est-ce qu'elle pourrait par exemple avoir ce genre de rôle? Alors, dire, on a une question grandes institutions, la rue Cognac-Gène, la réopérabilité des données, les politiques de numérisation. En fait, un peu la manière de. Donc, vous avez parlé de l'immobilisme. Je crois que les choses ont quand même considérablement évolué. Je me souviens de temps. Les humanités numériques. J'ai dû me battre, j'ai commencé par le CNRS. Donner un chèque à la bibliothèque qui se regroupe autour de projets qui confirmer ce ça. Est-ce que finalement, toute la collection de Marie Sol, ils avaient commencé très lentement. Au bout de quelques mois, c'est aperçu que ça avait déjà été fait aux archives nationales. Donc on leur a dit, rendez-nous le chèque et puis nous, on va acheter là-bas. Vous faites-le, c'est pareil, ça va être complètement moins cher. Ça a été des négociations, il a fallu prendre le date de l'ambassade, etc. Projet, mais du coup, vous voyez, depuis c'est une structure universitaire en termes de formation, de construction, de diplômes, de reconnaissance universitaire, ne sont jamais impactés parce que ce sont des projets. Et il n'y a pas de structuration, par exemple, en termes de discipline. J'espère que j'ai bien. Commission d'accès, c'est la représentation des textes. Mais voilà, c'est. Parfois, il faut. Une fois qu'on a vu le numéro. En fait, il y a une déconnexion parce que c'est ce que je disais Aurélien avant. Et on a des étudiants qui vont faire des travaux de fin de master, des thèses doctorales et tout ça. Et c'est très difficile de trouver des étudiants qui veulent collaborer avec des projets numériques que nous faisons dans la recherche. Donc pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas formés, ils ne sont écoutés jamais parler de balisage, de traitement digital, d'édition digitale et tout ça. Parce que les programmes sont très orientés dans les sens traditionnels et il y a une grande différence à ce que nous faisons comme recherche et ce qu'ils nous disons aux étudiants. Parce que c'est très difficile de changer un plan d'études et pour changer aussi les mentalités des différents départements, facultés, c'est n'est pas facile de mettre un programme interfaculté, de mettre aussi l'informatique et tout ça. Et c'est un problème pour ça, parce qu'en fait, la recherche qu'on fait en humanité numérique, c'est comme un hobby. Parce qu'à la fin, on ne peut pas l'enseigner, à part des cours spécialisés, séminaires, et comme nous faisons un cours d'été pour faire tout ça, si on s'intéresse plus à la recherche, mais ce n'est pas un programme officiel. On est en train d'appliquer maintenant pour créer des nouveaux programmes, mais avec la crise, ce n'est pas facile, parce que si le problème à l'université est qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants pour faire les études traditionnelles d'humanité, il n'est pas facile de créer un nouveau programme pour ajouter à ce qu'il y a déjà. Donc, c'est un peu paradoxal, mais ce qu'on fait à la recherche, dans la recherche, les projets numériques sont premiers parce que le ministère est conscient que le futur doit être là et que les projets d'humanité traditionnels ne doivent pas recevoir beaucoup d'argent parce qu'il faut se renouveler et montrer les choses, faire l'édition digitale et tout ça. Les projets reçoivent de l'argent, mais après, c'est le problème qu'il faut trouver les gens qui travaillent pour ce projet, former à tout le monde et ce n'est pas facile parce que la propre université ne forme pas aux étudiants. Pour les gens qui sont intéressés à l'information, on a une partie qui s'appelle Herramientas, qui a fait un mélange de tout, mais il peut être un portal de recherche en espagnol. Oui, faut pas oublier qu'en France, on a très longtemps employé le terme de projet. J'insère la note de bas de page orale. Avec un tempérament certain, qui s'appelait Alain, a décidé qu'il avait marre des projets et qu'il voulait qu'on passe à des programmes. Donc il ne faut pas trop se simplement nous laisser poser piéger par un vocabulaire. Quelle qu'elle soit. Et où les réponses viennent de la communauté avec une organisation générale. Je crois que la question c'est de plutôt d'un mode de financement simplement, et du fait qu'un financement pour 3 ans ou 4 ans incite en particulier lorsque ça mobilise des technologies numériques à avoir recours à des contrats à durée déterminée et qui ne permettent pas de développer un savoir-faire, de transmettre. Et quand je dis 3 ans ou 4 ans, c'est souvent un an au milieu ou à la fin d'un projet pour tout à coup créer une base de données, etc. Mais effectivement, les terminologies sur en fait un peu la manière de donc vous avez parlé de l'immobilisme en fait des structures universitaires par rapport du coup j'ai encore une autre question si une personne et la question qui vient de sur la question du rapport entre recherche et technique les humanités numériques parce que c'est aussi un thème très important des relations entre on a des chercheurs qui personnes qui sont formées et reconnues et dont le travail est d'être chercheur véritablement et puis pas un peu dans l'incapacité de personnel que l'on appelle parfois de modifier d'appui ou d'accompagnement à la recherche qui sont mobilisés dans des projets justement ou dans des activités de recherche au titre de leur compétence technique. Et la question de la relation entre ces deux types d'interventions dans les structures universitaires en termes de redéfinie par les sciences fonctions, par l'humanité numérique, de reconnaissance universitaire, elle est vécue de manière différente jamais aux États-Unis, en France, en Allemagne. Il n'y a pas de structuration, par exemple, en termes en Espagne. Alors, j'aimerais aussi avoir des informations très concrètes sur, par exemple, les ingénieurs oui. ou et les en fait, c'est, il y a une déconnexion parce que. Quel est leur statut que Est-ce qu'ils peuvent avoir des carrières ou est-ce qu'ils sont uniquement et on a des étudiants qui vont faire des travaux de fin de master, des études doctorales et tout ça. Et c'est très difficile de trouver des étudiants qui veulent collaborer avec des projets numériques que nous faisons dans la recherche. Donc pourquoi? parce qu'ils ne sont pas formés, ils ne sont écoutés jamais parler des balisages, des traitements digitales, des éditions digitales et tout ça. Parce que les programmes sont très orientés dans les sens traditionnels. Et il y a une grande différence à ce que nous faisons comme recherche et ce qu'ils nous disons aux étudiants. Parce que c'est très difficile de changer un plan d'études et pour changer aussi les mentalités des différents départements, facultés, il n'est pas facile de mettre un programme interfaculté, de mettre aussi informatique, et tout ça. C'est un problème pour tout ça, parce qu'en fait, la recherche qu'on fait en humanité numérique, c'est comme un hobby, parce qu'à la fin, on ne peut pas l'enseigner, et à part des cours spécialisés au séminaire et comme profil, en cours d'été, parce qu'en fait, ce sont des experts médicaux qui nous intéressent former à la recherche, mais ce n'est pas un cours officiel, normal. On est en train de appliquer maintenant pour créer des nouveaux programmes. C'est le problème de mais avec la crise, ce n'est pas facile parce que si le problème à l'université est qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants pour faire les études traditionnelles d'humanité, il n'est pas facile de créer un nouveau programme pour les choses sont ajouter à ce qu'il y a déjà. Il y a des efforts, on se sent. C'est un peu paradoxal, mais ce qu'on fait à la recherche. Dans la recherche, les humanistes numériques sont premiers parce que le ministère est conscient que les techniques doivent être là et que les projets d'humanité traditionnels ne doivent pas recevoir beaucoup d'argent. Parce qu'il faut se renouveler et montrer les choses, faire l'édition digitale et tout ça. Le projet récifte de l'argent, les humanités. Mais après, c'est le problème qui est que trouver les gens qui travaillent pour ce projet, former à tout le monde, et ce n'est pas facile parce que la propre université ne forme pas. Parce que pour eux, tout est XML. Mais pour nous, c'est la T. Et pour eux, ils ne savent pas qu'il y a un standard pour les métadonnées des images ou les métadonnées du texte et tout ça. Et il faut les faire connaître. Et ça, c'est une des choses qui n'est pas très fréquente en Espagne. Et on est en train de développer et d'informer que la formation n'est pas seulement pour les humanistes, mais aussi pour les techniques. Et ils doivent avoir une communication plus fluide entre les deux. Pas trop se laisser piéger par un mystère de coordination. Il n'est pas exactement le même en français et en espagnol. Je crois que la question venait plutôt d'un mode de financement, tout simplement, et du fait qu'un financement pour 3 ans ou 4 ans incite en particulier à avoir recours à des contrats à durée déterminée, qui ne permettent pas de développer un savoir-faire, de transmettre. Quand je parlais, c'est un groupe de recherches entre au milieu ou à la fin d'un projet pour tout à coup créer une base de données, et deux personnes d'informatique qui s'assoient dans une table et commencent à parler, partager ce que les projets ont fait, comment on doit faire, comme discuter comme un comité scientifique, ce que c'est le plus important de faire. Ce n'est pas une idée d'une personne, mais une discussion. Des relations entre personnes qui sont formées, et reconnues et qui font le travail d'être chercheur, et puis tout un tas de personnels que l'on appelle en France d'appui ou d'accompagnement à la recherche. L'idée, c'est ça. C'est précisément l'idée du point de vue universitaire à ces gens qui n'ont pas l'orientation de comment commencer. La question de la relation entre ces deux types. Quelle technologie utiliser aussi dans les projets pareils qu'on fait déjà. Et redéfinie par les humanités numériques. Alors, elle est vécue de manière différente selon qu'on est aux États-Unis, en France, en Allemagne. Et alors, qu'est-ce qui se passe en Espagne data. Alors, j'aimerais aussi avoir des. Alors, c'est une question un peu très concrète sur de quelqu'un, par exemple, à Paris que je ne dénoncerai pas. Sur, alors, je la cite. Quel est leur statut ? Où en est-on ? Alessia, tu nous diras si j'ai le droit de la signer. Où en est-on donc avec l'open data en Espagne ? S'agit-il d'une politique de com ? Comme en France, Alt-Hack aussi, uniquement. Alors, note de bas de page orale, Alt-Hack, c'est Alternative Academics. Il y a des choses différentes. En fait, on est toujours dans la paradoxe de ce qu'on dit, ce qu'on fait, et de différents groupes. Mais qui, en tout cas, ont un métier qui est entre les deux. Parce que, oui, du point de vue du ministère, on s'est inscrit dans la tendance européenne des. Il faut publier tout un ouvert dans le repositoire de l'université, libérer tout. Et de l'autre côté, ils sont les intérêts des éditoriales et tout ça qui font payer pour tout. Et on a là un problème, je pense que dans tous les mondes. L'idée du ministère est que si les projets sont payés par l'argent national, les résultats doivent être disponibles pour tout le monde. Et ça, c'est une situation idéale, mais la réalité, par exemple, que quand on regarde les projets techniques, c'est très rare, par exemple, que les codes, on n'a pas la chance d'avoir cette édition de texte n'est pas disponible. Parce qu'en fait, ce sont des informaticiens. Je pense que ça serait une situation dans la carrière décidée, mais en Espagne, on est loin de normal d'avoir ça. D'autre côté, il y a des initiatives différentes pour c'est publier des projets qui n'ont pas. Par exemple, nous, dans l'université, un des projets qui est lié avec l'INE, c'est un projet qui s'appelle Unedata, qui doit libérer les données de recherche de l'université. Maintenant, les choses sont en train l'information sur ce que nous sommes en train de faire dans les recherches, dans les projets. Il est plus de faire un peu de... Les humanistes qui... Faire public la recherche. Les standards. On est en train de faire ça. Les techniques qui sont formées en projet. Et il y a des universités en Espagne qui l'ont fait déjà. Il y a quatre universités qui ont publié les données. Dans les laboratoires, je pense que ça, c'est une formée à l'opposition pour montrer que les voir, c'est que entre ces spécialités sont plus diversifiées. Je pense que la tendance en général, c'est dans les humanités numériques. Parce que c'est pas facile, ils ne peuvent pas faire ça de nous, c'est la tête. Et pour eux, ils ne savent pas qu'il y a un standard pour les métadonnées des images ou les métadonnées du texte et tout ça. Et il faut les faire connaître. Et ça, c'est une des choses qui n'est pas très fréquente en Espagne et on est en train de développer. Tu disais que les gens qui s'intéressaient aux la formation très n'est pas souvent étaient finalement allés dans, à un moment de leur parcours dans un pays où c'était plus développé. Et ils doivent avoir une communication beaucoup plus fluide en États-Unis. D'accord. Et moi, je fais les commencements avec les humanités numériques à l'école d'été d'Oxford de humanités numériques. D'accord. Ça, c'est le moment où j'ai offert ma UG. C'est un monde nouveau que je ne connaissais pas. Oui, avec l'internet, il y a beaucoup de ressources disponibles. Mais le problème, c'est que pour commencer, c'est très difficile de commencer tout seul. Je parlais, c'est un groupe d'étrangers. On a pris un peu et c'est facile de continuer. Deux personnes d'informatique, mais pour commencer, ça soit dans une table et commencer à parler, partager. C'est dans les projets en fait, comment on doit faire, et comme discuter comme un comité scientifique, c'est que c'est le plus important de faire. De c'est pas une idée d'une personne, mais une discussion. Mais je comprends vous, mais je sais pas, à quel niveau de Riota, pour quelqu'un de faire une base de données, il peut se lancer sans avoir accès à. Oui, c'est l'idée. Pas l'empêcher. J'aimerais savoir si l'association... L'idée, c'est ça. C'est précisément l'idée du point de vue universitaire à ces gens qui n'ont pas l'orientation de comment commencer. Non, c'est hispanique. Et quelle technologie utiliser, ou s'il y a des projets pareils. Mais en fait, l'association est créée comme hispanique, mais les Mexicains ont créé la RFACD, qui est plutôt latino-américaine. Sur l'open data. Donc, mais elle est ouverte quand même à toute l'Amérique. C'est une question un peu provocatrice de quelqu'un à Paris que je ne dénonce pas. Sur, alors je la cite. Où on est Alicia, tu nous diras si j'ai le droit de la signer. Où en est-on donc avec l'open data en Espagne? S'agit-il d'une politique de com comme en France? Mais je pense que c'est pas un problème. C'est bon parce que l'Argentine, par exemple, est un pays très grand. Il y a des choses différentes. En fait, on est dans la paradoxe, mais on a des différents faits, des différents groupes, des différents gouvernements. Parce que, par exemple, du point de vue du ministère, on s'est inscrit dans la tendance européenne, ils sont bons pour ramener toute la nouvelle dans le repositoire de l'université, libérer tout. Et d'autre côté, ils sont les intérêts des éditoriales et tout ça, qui font payer pour tout. Et on a là un problème, je pense que, dans tous les. Que l'idée du ministère est que si les projets sont payés par l'argent national, les résultats doivent être disponibles pour tout le monde. Et ça, c'est une situation idéale, mais la réalité, par exemple, que quand on regarde les projets, et c'est très rare, par exemple, que les codes, les XML, par exemple, l'édition des textes n'est pas disponible. Explicite qui est fait de la part de l'association. Je pense que ça serait une situation idéale, mais en Espagne, on est loin des financeurs ou du ministère. d'avoir ça. Oui, on est d'autre en train côté, de faire, il y a des initiatives différentes on est pour en train de publier les data. Pour avoir par exemple, nous, dans l'université, on a un projet qui est lié avec l'INN. C'est un projet qui s'appelle Moon Data, c'est un problème qui va libérer les données des recherches de l'université pour l'information sur ce que nous sommes en train de faire dans les lignes de recherche dans les projets. Et il faut savoir un peu de les conditions pour faire avoir public un bon projet la, les données de la recherche. On est en train et de faire on est ça en train de discuter maintenant, de créer un document pour voir. Et il y a des mais le problème en aussi les choses déjà. Il y a quatre universités qui ont publié les données. Et je pense que ça, c'est une bonne position pour montrer que les choses du gouvernement pour ça et sont des, on n'a pas de bonnes données. Je pense que la tendance en général c'est d'ouvrir l'information, c'est plutôt une chose d'idéalisme qui est on ne peut pas travailler ça d'un jour qu'il faut faire, c'est un problème en général. Mais oui, l'association se positionne comme point de réunion de différentes personnes. Une des choses plus importantes, c'est la liste de diffusion et de communication entre les différents groupes. Est-ce que tu étudies à l'étranger, et tu disais que les gens qui s'intéressent très souvent les, étaient oui, finalement allés dans, à un moment de leur pour parcours la, dans un l'évaluation des ressources et aussi pour... Oui, moi, je suis en États-Unis. Moi, oui, je fais les, des différents commencements de différents de numérique à l'école des programmes d'humanité numérique pour faire comme une. Ça, c'est le moment où j'ai pris ma vie. C'est un monde nouveau que je ne connaissais pas. Il faut. À la fin, bon, avec l'Internet, il y a beaucoup de ressources disponibles. Mais le problème, c'est que pour commencer, c'est très difficile de commencer toute seule. Si c'est possible. Et peut-être c'est ça, quand on a appris un peu, c'est facile de continuer, c'est auto-former. Mais pour commencer, c'est mieux si personne ne te la main, tu lances à la piscine. L'archivage à long terme et ainsi de suite. Je sais pas, en France, il y a Humanum, par exemple. J'ai une question très intéressée sur le rôle de l'association nationale. Oui. Parce que nous, nous sommes le CSIC, je m'en engagé dans la construction d'une association francophone, et donc du coup, on aimerait apprendre un peu de ceux qui nous ont précédés pour éviter de faire des erreurs. En fait, je pense que j'aimerais savoir si l'association. Alors, j'ai pas compris si c'était espagnol ou hispanique déjà. Mais les grands projets des digitalisation, c'est que virtuel pour la bibliothèque nationale et tout l'argent pour les bibliothèques virtuelles Miguel Cervantes, la digitalisation c'est comme Hispanie, et il y a deux façons. Alors, pour la bibliothèque nationale, il y a du financement du gouvernement à long terme, et aussi pour l'académie. Mais elle est ouverte quand même à toute l'Amérique latine. Qui reçoivent financement du gouvernement. Il y a beaucoup d'Américains latino-américains qui sont dans la région hispanique. Les projets de digitalisation et de préservation. Et tu disais que l'Argentine était sur le point d'en créer une. Et il y a aussi des initiatives privées ça qui viennent des fondations ouais, pour la bibliothèque virtuelle Cervantes, ouais, qui est un des plus grands ressources en ce sens. Mais je pense que il n'y a pas une institution c'est bon générale pour l'Espagne. Les différents projets doivent chercher ses propres. On parle espagnol tous, mais on a des différents ah oui, problèmes, des différents motifs. Ça, c'est un problème, c'est oui, des choses que je disais, parce que s'il y a, par exemple, les associations à niveau année, si on perd la financement, sont bons pour ramener tout l'information sur différents projets. A priori, c'est plutôt l'université qui sort le projet, qui c'est intéressant, il y a des initiatives aussi. Oui, ça, c'est l'idée de notre laboratoire. Une des premières choses qu'on a fait, c'est chercher un grand serveur pour loger les projets d'humanité numérique. En particulier parce que auprès, la propre université n'était pas préparée pour loger des projets exemple, individuels ou particuliers des groupes. Et une des choses que de la formation, fait, la c'est de la précisément ça. Académique, des compétences, regarder le les données, avoir une place de référence pour permettre aux chercheurs question sur la question du financement, de travail, parce qu'il y a un travail de lobbying avec la garantie qui est fait de la part de l'association pour les humanités numériques, ça, c'est complètement en direction des institutions, c'est pas, des financeurs. Ça dépend aussi de la politique oui, de l'université, parce qu'il y a des universités qui laissent aux initiatives de recherche un petit espace, un serveur, mais il n'y a pas un standard. Les critères idéaux d'évaluation pour un projet digital, différentes classes. Parce que ça, c'est un problème qui est apparu dans la première conférence l'année dernière, c'est précisément ça. Il n'y a pas d'évaluation des ressources numériques parce qu'il n'y a pas de critères. Et il faut s'asseoir et réfléchir quelles sont les conditions pour avoir un bon projet numérique et comment le faire. Et on est en train de discuter de créer un document avec le crayon dans la marge. Mais le problème est aussi, parce que c'est déjà fait à le 7e siècle. On est on n'a pas la. Non, en fait, notre projet de métrique est développé au gouvernement avec la bibliothèque du Palais des Rois. On n'a pas c'est la personne qui a fait les bases de données à faire. C'est la personne qui a fait l'idéalisme qui est un travail extra. La relation avec la bibliothèque est un problème. Mais l'association se positionne comme point de réunion de différentes personnes. Bon, en fait, ça c'est un projet qui on vient de définir, c'est écrire un livre sur l'histoire de la bibliothèque de ce qui est en ces disciplines concrète. Et il y avait l'évaluation de bibliographie, mais aussi la bibliographie qui nous est comme référence dans la classe. Par exemple, c'était des commencements des années, de différents cours, de différents. Et il fallait faire une révision de tout ce que j'avais publié après et avant faire un plan de ce qu'on a fait. Donc, on a commencé un projet à l'Université d'Alcalá de Henares en 2011 pour réécrire l'histoire de la maîtrise du Moyen-Âge en Espagne. Et quand on était en train de faire les livres, on a pensé, bon, il n'y a pas le sens de faire un livre comme ça, parce qu'en fait, la politique du Moyen-Âge est dedans. Et pour chercher les contenus, c'est très difficile d'aller au index et après chercher dedans et après voir comme si les phénomènes se répètent en différents poèmes. Parce que aussi chaque chapitre est écrit par une chercheuse différente. Et à la fin, on a pensé de transformer les données du livre dans un réseau digital pour pouvoir chercher l'information plus facilement. Et en fait, je pense que ça va simplifier la vie de beaucoup de monde. Nous n'avons pas cherché quels sont les poèmes en octosyllabique avec thématique lyrique. Mais le projet, le grand projet de digitalisation de la poésie espagnole est une bibliothèque virtuelle pour la bibliothèque nationale et tout l'argent pour la bibliothèque. Ce n'est pas facile de faire la digitalisation. Les ressources numériques, et il y a deux façons. Alors, pour la bibliothèque nationale, il y a de la. Pour moi-même, je travaille beaucoup avec la poésie du Moyen Académie. Et quand on s'approche des financements du gouvernement, c'est difficile de trouver l'information qu'on cherche. Et dans les livres normaux, les digitalisations et les préservations, c'est plus cher. Avec un ressource numérique, et il y a aussi des initiatives privées qui viennent des fondations comme la Bibliothèque Virtuelle Cervantes, qui est un des plus grands ressources. Mais il n'y a pas une institution générale pour l'Espagne. En même temps, quelqu'un qui est complètement extérieur pourrait se dire, c'est très bien, on a enfin les moyens de faire ce qu'on voulait faire depuis 60 ans. Mais ça n'est pas très nouveau comme projet. C'est un problème, c'est quelque chose que je disais parce que s'il y a enfin financement et chaque fois année, si on perd le financement, le projet beaucoup de gens disparu. Et ça, a priori, c'est plutôt l'université. Oui, mais finalement, c'est un outil qui porte le projet. Ça ne permet que de faire la même chose, un peu mieux. Ça, c'est l'idée de notre laboratoire. Est-ce que ça va changer quelque chose à la façon dont vous écrivez l'histoire numérique ? Grand serveur. Est-ce que c'est préciser, mieux connaître, rendre possible d'autres recherches, mais ce n'est pas encore les quelles, parce qu'il y a déjà des choses que tu vois avant. Quand les gens me demandent quelque chose comme ça, j'ai mis un exemple, c'est précisément ça. Il y a une collection qui s'appelle Garder la donnée et avoir une place de référence pour permettre aux chercheurs 50 volumes, espace de travail, qui n'était pas de préservation avec la garantie très plus importante parce que c'était très cher. Ça dépend aussi de la politique de l'université parce qu'il y a quelques universités qui laissent des groupes de recherche à un petit espace dans le serveur. Si, j'avais il n'y a pas dans deux mois, je cherchais, j'avais consulté tous les poèmes qui étaient en relation avec mon corpus. Dans un mois, c'était très vite. Si j'aurais dû prendre livre par livre dans cette vieille collection, probablement ça aurait duré 5 ans. Donc, une question, c'est pas un peu plus vite, c'est beaucoup trop vite et aussi beaucoup plus avec accessible. Et l'information qu'on reçoit est différente. Parce que c'est déjà fait. On va pas aussi une base de données de la même façon que va un livre. On ne cherche pas la même information. Non, en fait, notre projet de métier est de chercher les données avec la bibliothèque et on va faire notre recherche après. Et aussi les façons de faire des recherches et la personne qui a collaboré avec nous avec les bases de données. Je pense que c'est la relation avec la bibliothèque. Mais c'est aussi une façon de faire la recherche d'une forme différente. Parce que, par exemple, le même fait de baliser un texte. En fait, ça c'est un projet qu'on vient de définir, que c'est écrire et édition digitale où on peut lire le texte avec les variantes dans sur l'histoire de la métrique du Moyen-Âge. On peut faire, on peut imaginer comme c'était, on peut changer la bibliographie, on peut faire écouter des index automatiques. On peut faire références dans la classe, par exemple, c'était du commencement des années du 20e siècle. Et il fallait faire cette édition de tout ça qui est très différent. Et après, et faire une grande. Personnellement, je suis bien convaincu. Donc, on a commencé un projet à l'Université de Cardenales en 2011 pour écrire, réécrire l'histoire de la maîtrise. Oui, mais je pense que les gens, normalement, et quand on était en train de faire les livres, la transformation digitale est très utile. Le problème n'est pas dans l'acceptance parce que tout le monde reconnaît que c'est très utile. Et pour chercher les contenus, c'est très difficile d'aller comment transformer la recherche humanistique des phénomènes. De chacun dans ce monde. Poèmes, parce que je pense que tout le monde reconnaît chaque chapitre est écrit par une chercheuse différente. Et tu me disais que. À la fin, on a pensé de transformer les données du livre dans un ressource digital pour pouvoir chercher l'information plus facilement. De la même manière, si tu avais en fait, je pense que ça va simplifier la vie de monde, par exemple, français qui vient à la poésie espagnole et veut chercher quels sont les poèmes en octosyllabique avec thématique lyrique. Non, en fait, parce que c'est une sorte de confiance. Oui, c'est ça, non, mais confiance, ou peut-être que ce n'est pas de la confiance, c'est justement par rapport à tout ça. Ce n'est pas facile de faire la recherche, mais. Les ressources numériques, c'est une précision qui fait qu'on peut avoir confiance si on précise. Pour moi-même, j'ai travaillé beaucoup avec la poésie du Moyen-Âge en France. Et quelquefois, quand on s'approche des théories, c'est comme les expositions qu'on faisait à la fin du 19e siècle. Dans les livres normaux, les trouver. En fait, une mauvaise édition, c'est toujours avec un ressource numérique traditionnel. Mais c'est intéressant. Oui, mais donc, du coup, on sait que telle édition numérique n'est pas mauvaise. Je suis persuadée que si j'étais médiéviste. Disponibilisant, je le dirais aussitôt, ça c'est magnifique. En même temps, quelqu'un qui est complètement extérieur pourrait te dire, c'est très bien, on a enfin les moyens de faire ce qu'on voulait faire depuis 60 ans. Et ça n'est pas très nouveau comme projet, c'est seulement le corpus enfin disponible et dans lequel on peut naviguer de manière plus ergonomique. Dans ton appareil critique, par exemple, tu l'as dit. Ont comme réponse principale quand on leur parle du métier numérique, oui, mais finalement, c'est un outil. Ça ne permet que de faire la même chose, un peu mieux, un peu plus rapidement. Qu'est-ce que tu répondrais? Est-ce que ça va changer quelque chose à la façon dont vous écrivez l'histoire de la métrique? Est-ce que c'est préciser, mieux connaître, rendre possible d'autres recherches, mais on ne sait pas encore lesquelles, ou est-ce qu'il y a déjà des choses? Donc, dans mon femelle, quand des gens me demandent quelque chose comme ça, j'ai mis un exemple. Il y a une collection qui s'appelle Pour les latins, Analecta Hymnica, qui c'était une collection du vers latin de 50 volumes, comme ça, qui n'était pas disponible. Dans notre cas, oui, on le plus important parce que c'était très cher. Et j'ai découvert qu'il y avait une base de données digitale pour consulter. Si j'avais fait dans deux mois, j'ai consulté tous les poèmes qui étaient en relation avec mon corpus, dans un mois, c'était très vite. Si j'aurais dû prendre livre par livre dans cette vieille collection, probablement ça aurait duré 5 ans. Mais donc, si c'est pas un peu plus vite, c'est beaucoup trop vite et aussi beaucoup plus accessible et l'information qu'on reçoit non, est différente. C'est la même question, effectivement. Parce que une réponse fréquente à cette question. On ne va pas à une base de données de la même façon qu'on va à un livre. On ne cherche pas la même un partage de méthodologie qui dépasse largement on va en recherche numérique, on cherche les données et on va faire une autre recherche après. Et aussi, les façons de recherche et les focus dans d'autres langues, dans d'autres périodes. En fait, oui, je pense que vous partez à la fois de quelque chose qui est déjà en standardisation. C'est aussi une façon de faire la recherche d'une forme différente. Parce que ça racine dans des par exemple les mêmes et en même temps vous prévoyez d'avoir quelque chose baliser un texte déjà prêt, permet de faire beaucoup beaucoup de choses plus oui, en fait, qu'une édition digitale dans ce projet et la texte avec les variantes on peut faire on peut imaginer comme c'était on peut changer la graphie et il y a beaucoup de projets qui sont développés dans les différentes langues italiennes, en français, en anglais et sur la poésie. Et chacun est fait en différentes bases de données, système de vérification, tout ça. Et l'idée est unifier tous les systèmes et pouvoir chercher à travers tout. Comment le faire, ça c'est le problème. Et la solution du point de vue technologique, oui, mais je pense qu'il y a un système normalement accepte de publier toutes les données, la transformation digitale et pouvoir chercher, faire des recherches. Le problème n'est pas dans l'acceptance parce que tout le monde reconnaît que c'est très utile et que quand on entre à chercher dans les différentes bases de données, il y a des champs qui sont clairs comme l'auteur, et tout ça. Parce que je pense que tout le monde reconnaît qu'il y a un titre. Mais le problème arrive quand on va à la classification. Et comment on classifie la poésie, comment on fait, qu'est-ce qu'on appelle chanson, où est la différence entre lyrique et narrative. Et ça dépend de la tradition de chaque poésie. Et ça, c'est un problème plus philologique qu'informatique. Et c'est pour ça qu'on est en train de faire une ontologie pour traiter de classifier d'abord quelles sont les équivalences dans chaque littérature et dans chaque tradition. Oui, c'est ça. Non, mais et après, peut-être trouver un passage c'est informatique par pour le faire traduire. À tous ces et c'est ça ce que nous sommes en train de faire maintenant. De traiter et lier les projets du point de vue philologue et aussi de numérisation. Mais je comprends. Enfin, par rapport à ce qu'a dit Isabelle tout à l'heure, justement, je t'en prie. Les éditions qui ont fait à la fin du 19e siècle et début du 20e. En fait, une mauvaise édition, c'est toujours une mauvaise édition numérique, traditionnelle, mais c'est intéressant. Donc, du coup, on sait que telle édition numérique, imaginez, c'est peut-être intéressant. Après, savoir, quoi, comme on le savait, pour essayer de regrouper. On est en train de commencer et il y a beaucoup de ressources qui ne sont pas très bonnes, oui. Mais non, il faut évolutionner, il faut développer. Moi, je suis il faut abandonner les systèmes. Je suis un fan de ce que vous avez fait ici parce que, en fait, je pense que c'est très bien. Mais dans ton appareil critique, par exemple, moi, j'aimerais avoir une plateforme pour la revue de doctorat pour avoir les journaux parce que le problème avec les journaux. On ne fait pas exactement des éditions. Des textes, il y a un mais on marque tout en XML et comme c'est un système qui permet d'ajouter des valises. Une chose qui est c'est utilise de plus en plus la personne au contact. Oui, on indique le phénomène de la maîtrise, c'est plutôt accepté pour le système de preview, mais pour la publication réelle du texte, il n'y a pas un système standardisé ou plus utilisé. Tu indiques aussi que tu as pris dans ta. Ça serait intéressant, en tout cas, que les revues. Ils ne sont pas renouvelés parce que l'interopérabilité est plus difficile. Nous avons tous les codes, tout ça. Le signalement, en fait, avec une volonté d'avoir disponible, d'échanger, si on voit qu'il y a d'autres choses qui sont plus intéressantes. Oui, oui. Proposer ce genre de. Il faut. Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de unifier tous les projets en ce sens. Et qui sont au moins les. Ça serait bien d'organiser comme un parti espagnol. Non, c'est pas. Une réponse fréquente à cette interrogation-là, c'est qu'il y a un partage de méthodologie. Des idées de collaboration, mais c'est vrai. Pas d'ontologie. Comment est-ce que ça peut bénéficier à d'autres projets, dans d'autres langues, dans d'autres périodes? En fait, oui. C'est vous partez à la fois de quelque chose qui est déjà une standardisation, puisque la TUI prévoit l'indice de la maîtrise. Et ça s'enracine dans des projets financiers. Et en même temps, vous prévoyez d'avoir quelque chose qui est un schéma déjà prêt. Oui, aussi vos connaissances. Oui, en fait, c'est qu'on veut faire avec ces projets et l'intégrer avec des autres répertoires métriques qui existent en Europe. Et c'est ça que je veux présenter à Lausanne. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui se sont développés dans les différentes langues, en italien, en français, en hongrien, et sur la poésie. Et chacun est fait en différentes bases de données, le système de codification, tout ça. Et l'idée est d'unifier tous les systèmes et pouvoir chercher à travers tout. Et comment le faire? C'est le problème. Et la solution du point de vue technologie est faire un système de link data, de publier toutes les données comme un RDF et pouvoir chercher, faire des recherches contextualisées dans tous les systèmes. Mais le problème pour ça est que quand on entre à chercher dans les différentes bases de données et projets, il y a des champs qui sont clairs comme l'auteur, le titre et tout ça. Parce que tous les poèmes en auteur ont un titre. Mais les problèmes arrivent quand on va à la classification. Et comment on classifie la poésie, comment on fait, qu'est-ce qu'on appelle chanson, où est la différence entre lyrique et narratif. Et ça dépend de la tradition de chaque poésie. Et ça, c'est un problème plus philologique qu'informatique. Et c'est pour ça qu'on est en train de faire une ontologie pour traiter de classifier d'abord quelles sont les équivalences dans chaque littérature, dans chaque tradition, et après trouver un passage informatique pour le faire traduire. Et c'est ça ce que nous sommes en train de faire maintenant, de traiter de lier les projets du point de vue philologue et aussi technologique. Oui. Effectivement, beaucoup de PDF. Je t'en prie. Deux questions en fait. Donc vous avez utilisé la plateforme Hypothèse pour organiser les carnets de recherche. Et pour les revues en sciences humaines et sociales, est-ce qu'il y a. Oui, mais le problème c'est que pour les chercheurs espagnols, il n'y a pas de plateforme. Quand on demande qu'est-ce qu'on fait avec les journaux, l'université, oui. La plateforme est au CAES et aussi il y a la Word avec la structure pour les transformer à PDF. Alessia me dit depuis deux minutes qu'ils vont être chassés, qu'ils sont bientôt chassés, et là ils ont été chassés. Nous allons bientôt nous chasser nous-mêmes. S'il y a si quelqu'un risque de garder une frustration, la question peut surgir maintenant. Et pour vous laisser cette minute-là, je pose une question presque fantaisiste. La question est, à ton avis, est-ce qu'il y a, puisque nous sommes invités par le LabEx Med, des humanités numériques méditerranéennes? Est-ce qu'il y a quelque chose, de spécifique, d'intéressant, lié au passé de ces pays-là, par rapport finalement à la dominance anglophone, qui a des raisons historiques? Au moins, finalement, ça quand vous dites Méditerranée, bon, il faut clarifier un peu parce que. Tout l'Espagne ne se sent pas Méditerranée. Pourquoi? Okay. La Méditerranée, non, c'est bien. Pour vous, nous sommes Méditerranée, mais pour l'Espagne, la Méditerranée est la moitié du Valence, à Andalousie. Donc, ne demandez pas à une personne qui n'a pas la Méditerranée, parce que ce n'est pas la même chose. Ça serait bien de organiser du point de vue des Espagnols, du point de vue des anglophones dans l'Europe, quelque chose comme ça. Bon, je pense qu'il faut encore trouver des points de contact. Mais c'est vrai que nous, on aimerait vraiment collaborer. Mais mon point de vue est qu'on est 10 ans en arrière et on est en train de courir maintenant. Mais l'intention est bonne et je crois que c'est le plus important. Et aussi parce que du point de vue des relations internationales, je pense que et un point d'intérêt pour Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intérêt à faire des choses en Espagne avec les humanités numériques pour des autres choses qui ne sont pas seulement les humanités. Non, c'était une blague. D'accord. Bon, alors après ce rappel du fait qu'il y a autre chose que les écrans, je vous invite à retrouver la lumière du jour. Pas de question de Paris. Ah ben non, Paris a été changé. Non, mais par contre, téléphone, non, tout va bien. Nous vous remercions. Alors, nous vous remercions à notre tour d'avoir invité le séminaire à Aix. Merci à Elena pour avoir supporté le tir de questions nourries pendant longtemps. Et pour toutes ces informations, c'était vraiment extrêmement riche. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Et donc on mettra le diaporama de toute façon pour les liens qui ont été présentés. Et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres informations, peut-être que... Oui, écrivez-moi par courrier. Elle peut ajouter aussi les informations. De l'édition digitale, parce que c'est important aussi. Il y a la fusion hein, qui, évidemment, bon, de ce côté-là, il y a un gain, mais malgré tout, on perd beaucoup des fonctionnalités de l'édition électronique. Oui, mais le problème, c'est que pour les chercheurs espagnols, il n'y a pas de LED. C'est quand on demande qu'est-ce qu'on fait avec les journaux, l'université, oui. La plateforme est au JS et aussi il y a la Word avec la structure pour les transformer en PDF, pas de plus. Mm. Et le problème, c'est ça. Et pour les chercheurs, bon, j'ai dit, je ne vais pas payer extra pour la personne pour faire l'XML, loger après, tout ça. Mm. C'est, Alors, nous avons perdu Paris, d'après l'écran qui est en face de nous. Oui. Alessia me dit depuis 2 minutes qu'ils vont être chassés, qu'ils sont bientôt chassés, et voilà. Là, ils ont été chassés. Nous allons bientôt nous chasser nous-mêmes. Mieux qu'elle la chasse. S'il y a si quelqu'un risque de garder une frustration, la question peut surgir maintenant. Et pour vous laisser cette minute-là, je pose une question presque fantaisiste. La question est, à ton avis, est-ce qu'il y a, puisque nous sommes invités par le LabEx Med, des humanités numériques méditerranéennes. Est-ce qu'il y a quelque chose, de spécifique, d'intéressant, lié au passé de ces pays-là, par rapport finalement à la dominante anglophone, qui a des raisons historiques, technologiques, sociales, tout ce que l'on veut. Bon, quand vous dites Méditerranée, bon, il faut clarifier un peu, parce que toute l'Espagne ne se sent pas Méditerranée. Donc la Méditerranée, non, c'est bien. Très bien. Pour vous, nous sommes la Méditerranée, mais pour l'Espagne, la Méditerranée est la moitié du Valence, Andalousie et c'est tout. Donc ne me demandez pas à une personne de Navarra la Méditerranée, parce que ce n'est pas la même chose. Si vous dites du point de vue de le monde pas anglophone dans l'Europe ou quelque chose comme ça, bon, je pense que il faut encore trouver des points de contact et on est, mon point de vue est qu'on est comme à 10 ans en arrière et on est en train de courir maintenant. C'est la chose, mais l'intention est bonne et je crois que ça c'est le plus important. Et aussi parce que ouais, du point de vue des relations internationales, je pense que l'Espagne est un point d'intérêt pour le monde anglophone, parce que on a d'autres choses à offrir et on a un bel temps, on est très joli et aujourd'hui c'est couvert, mais aussi non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intérêt à faire des choses en Espagne avec les humanités numériques pour des autres choses qui ne sont pas seulement les humanités. Non, c'était une blague. D'accord. Bon, alors après ce rappel du fait qu'il y a autre chose que les écrans, je vous invite à retrouver la lumière du jour. Pas de questions de Paris. Ah ben non, Paris a été non, mais par ton téléphone, non, tout va bien. Il nous remercie pour la séance. Alors nous vous remercions à notre tour d'avoir invité le séminaire à Aix. Merci à Elena pour avoir supporté le tir de questions nourries pendant longtemps. Et pour toutes ces informations, c'était vraiment extrêmement riche. Merci beaucoup. Merci. Je n'aurais pas dû t'inquiéter pour ton français, parce que c'est vraiment parfait. Non, pas du tout, c'était quelque temps. Merci beaucoup, c'était un plaisir aussi pour moi. Ça, c'est un enregistrement que je veux. Ça va. Très intéressant avec toi aussi. Et donc, on mettra le diaporama, de toute façon, pour les liens qui ont été présentés. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez d'autres informations, peut-être que... Oui, écrivez-moi par courrier. Elle peut ajouter aussi les informations supplémentaires. C'est vrai que peut-être que du côté des historiens, il y a d'autres sites qui peuvent être... Oui. Et parce que c'est l'occasion aussi, ensuite, pour les étudiants, de retourner sur ce diaporama pour avoir un panel assez important. Oui, je pense qu'on va faire le master... Oui, voilà, ils peuvent y aller et du coup avoir un point assez intéressant. Mais je vous laisse le diaporama ici ou je vous l'envoie ou comment est-ce que je fais? J'essaie de faire des thèmes, mais je ne tiens pas. Voilà.